mas nos acordaremos siempre de la pata de Juana y Olé. Et sur ce plateau, Anne Kratz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire et senior fellow à l'Institut Open Diplomacy. Merci d'être sur ce plateau. Également avec nous, Anthony Bélanger. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste spécialiste des relations internationales et vous êtes notamment chroniqueur sur France Inter. On va d'abord parler de l'escalade dans les tensions franco-turques avec d'abord ces attaques de Erdogan à Emmanuel Macron qu'il soupçonne dimanche d'avoir, je le cite, un problème envers l'islam, à qui il recommande de subir des examens médicaux. À quoi joue pour vous le président Erdogan? Pourquoi s'attaque-t-il aussi violemment à Emmanuel Macron, Anne Kratz? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il marche sur les brisées de Donald Trump, si on peut utiliser cette analogie, en utilisant cette rhétorique « casse-cou, casse-tout ». Pourquoi il l'utilise contre Macron en particulier, ça ne date pas d'hier, comme côté vous l'avez excessif, tous vous voulez dire, ça vient aussi de. Bien sûr, la rhétorique est excessive, mais la rhétorique, c'est le problème de la diplomatie actuelle. Elle est excessive partout. Elle envahit le monde politique à toutes les étapes. Il est évident que depuis quelques années maintenant, Erdogan est un trublion. Il agit contre l'OTAN en achetant des armes russes. Et en provoquant jusqu'au fait qu'il les a testées. Il les a pas seulement achetées, mais il les a testées il y a quelques jours. Ce qui a provoqué la colère du haut commandement américain, entre autres, et du reste des membres de l'OTAN, y compris donc de celle de M. Macron. Mais là, on est dans un cas encore un peu plus particulier qui est relié aussi à l'assassinat de Samuel Paty, avec une escalade au fur et à mesure la semaine dernière. Vous avez raison de souligner que ce n'est pas la première fois. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas la première fois? Parce que c'est facile. C'est très simple. Emmanuel Macron, est le chaînon faible, il y a peu de risques à attaquer Emmanuel Macron d'une manière, et beaucoup plus à attaquer par exemple Donald Trump, ou même l'OTAN frontalement, que d'attaquer Emmanuel Macron. Puis la deuxième raison, c'est que à peu près dans tous les dossiers que la Turquie gère à l'international, que ce soit la Libye, que ce soit la Syrie, que ce soit en ce moment l'intromission dans le conflit arménien-azerbaïdjan sur le Nagorno-Karabakh, que ce soit même dans la façon de gérer les musulmans d'Europe, et bien dans tous ces conflits-là, ces deux hommes se retrouvent front contre front. Et puis il y a une raison qu'on n'a pas assez soulignée, c'est qu'on sait, parce que beaucoup de commentateurs l'ont dit, qu'Erdogan aspire au leadership du monde sunnite, musulman sunnite. Donc en attaquant Emmanuel Macron, il dit à ceux qui sont alliés d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, vous êtes en train de vous allier avec quelqu'un qui s'attaque frontalement aux musulmans. D'une certaine façon, il met un coin dans l'alliance que tout le monde peut constater, l'alliance véritable entre la France et les monarchies du Golfe, en appuyant sur la contradiction qu'il y aurait à s'allier d'une part avec ces monarchies du Golfe ont à s'allier avec quelqu'un qui s'en prendrait aux musulmans en France. Je suis le raisonnement d'Erdogan qui a besoin de ce leadership. Certainement pas ce que j'en pense, bien sûr. Dernièrement, dans la politique d'Emmanuel Macron, dans ce qu'il a évoqué dans la loi sur les séparatismes, dans les modifications même qu'il va apporter à cette loi, compte tenu du contexte avec l'assassinat de Samuel Paty, il y a de quoi fâcher aussi. Erdogan, par exemple, lorsqu'il dit qu'il y aura la formation d'imams locaux, ça contrarie ça la politique d'influence de la Turquie? Oui, évidemment. Enfin, tout ça est très complexe. Comme vous le soulignez à l'instant, la plupart des musulmans qui sont en France sont d'obédience sunnite pour la plupart. Donc, effectivement, Erdogan pense que là, il a une audience qui pourrait être sensible à ses arguments. Il y a des imams qui sont envoyés notamment de la Turquie, qui peuvent être même rémunérés depuis la Turquie, et que c'est un modèle d'influence aussi. C'est ce qu'on appelle l'islam consulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, il y a trois pays, en grosso modo, qui se partagent l'essentiel trois grands pays qui se partagent l'essentiel des subventions, des moyens des rémunérations apportées aux imams qu'ils envoient eux-mêmes. C'est la Turquie, dans la moindre mesure, mais dans une plus forte mesure l'Algérie et le Maroc. Donc, en fait, quand Emmanuel Macron, comme d'ailleurs tous les hommes politiques, hein, depuis, il n'y a rien de nouveau, hein, depuis 20 ans, appelle à la constitution, au renforcement d'un islam de France, il contrevient à cet élément d'influence que peuvent avoir et la Turquie, mais aussi le Maroc et l'Algérie, qui pour le coup n'interviennent pas parce qu'ils font leurs interventions sont plus discrètes, et parce qu'ils connaissent mieux la France aussi, tout simplement. Donc ça dérange ces plans. Mais en fait, grosso modo, la Turquie n'est pas celle qui investit le plus en France. Ou qui, simplement, la Turquie, encore une fois, par la biais de son président, veut rappeler au monde que le dernier calife du monde musulman sunnite était turc. C'était le sultan ottoman en 1923 et déposé en 1926, devinez où ? Au Caire. Donc il y a vraiment une espèce de bagarre depuis pour une espèce de suprématie sur le sunnisme. C'était la Turquie jusqu'à présent ne faisait pas figure de candidate puisqu'elle se déclarait elle-même laïque. Avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP et de Erdogan, il y a là pour le coup une espèce de vocation politico-religieuse à exercer le pouvoir en Turquie. Et donc Erdogan ne souhaite pas relever le titre califal. D'autres que lui le souhaitent, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui au fond travaille à ça depuis très longtemps. Mais au moins une espèce de suzeraineté moderne sur la parole des sunnites ou sur les sunnites eux-mêmes. Et donc là, encore une fois, c'est vraiment un jeu de go. C'est-à-dire, puisque vous voyez bien, les Égyptiens, les Saoudiens et les Émiratis sont en embarras et ne peuvent pas dire le mal qu'ils pensent de Macron, eh bien moi, seul au sein du monde sunnite, je peux le faire. En tout cas, le moment d'origine de cette escalade de tensions et d'invectives, ça a été la semaine dernière l'absence de condoléances de la Turquie après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. En tout cas, c'est comme ça que l'a interprété la France. Jean-Yves Le Drian y a fait référence la semaine dernière au Sénat. On l'écoute. On dit, vous le savez, que c'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses amis. Et j'ai établi cette cartographie. Je dis ici à ceux qui m'entendent, au-delà de cette salle, que rien de ce que nous pourrons constater ne sera oublié. Rien de ce que nous pourrons constater ne sera oublié. Nous avons bien sûr reçu de très nombreuses marques de soutien du monde entier. Ces marques nous touchent beaucoup. Nous pouvons nous en féliciter. Mais il y a aussi des silences éloquents. Et ces silences-là aussi ne seront pas oubliés. On l'entend, Anne Kratsa, c'est beaucoup plus allusif. C'est un peu plus fin, dirons-nous. Ce n'est pas la rhétorique de l'invective d'Erdogan, mais c'est aussi une déclaration hostile à l'égard de la Turquie. Mais enfin, comme le disait monsieur, de toute façon, la France est le maillon faible dans ce domaine, puisque la France est le seul pays qui se revendique entièrement laïque, qui est un concept qui est absolument étranger. Incompréhensible pour les pays musulmans, pour la Turquie, pour beaucoup de pays. Voilà. Parce que la Turquie, par exemple, quand elle se dit laïque, en fait, grosso modo, ça signifie simplement qu'elle ne reconnaît qu'une religion et qu'elle l'administre. Ça n'a rien à voir avec notre laïcité. Non, d'ailleurs, il faut quand même expliquer aux Français que nous sommes probablement le seul pays au monde, avec le Mexique, à avoir une telle où l'État est tellement dégagé du fait religieux. Donc, ce qui veut dire des valeurs, ce qui signifie des choses, ce qui signifie aussi, en étant seul au monde, qu'on a beaucoup de mal à l'expliquer à l'étranger, notamment dans des pays dans lesquels la religion est très prégnante. Je pense aux pays musulmans, mais pas seulement. La plupart des pays qui nous entourent ont soit une religion d'État, soit un rapport avec les églises qui leur permet, par exemple, comme en Allemagne, de lever l'impôt pour elles. Comme en Espagne, d'avoir effectivement, non pas une religion d'État, mais enfin une religion... une primus inter pares, on va dire. Comme aux États-Unis. Les églises bénéficient de largesses au niveau de leurs impôts, qui sont absolument uniques. Il suffit d'ouvrir une église aux États-Unis, ce que n'importe qui peut faire, sans avoir un diplôme quelconque. À ce moment-là, on a tout de suite on ne paye plus d'impôts sur les recettes. Oui, puis le président, jurer sur la Bible, ça, c'est évidemment des choses incompréhensibles pour bien la France. La différence, que la France ne reconnaît aucune religion, les États-Unis les reconnaissent toutes. Et donc, ce qui d'ailleurs crée aussi une espèce d'indépendance vis-à-vis de toutes les religions, puisqu'en les reconnaissant toutes, on n'en privilégie aucune. Mais on voit bien là qu'il y a deux formes de compréhension. Donc, en fait, d'une certaine manière, Erdogan joue sur du velours auprès des musulmans sunnites en expliquant, en prenant la partie pour le tout, c'est-à-dire la notre émotion face à cet attentat terroriste épouvantable, le fait que et le fait que nous cherchions en fait collectivement des moyens de répondre à l'islam radical, et il essaye évidemment de l'autre côté d'expliquer que ces réponses, ces déclarations faites par le président dans un contexte très particulier d'attentat terroriste et s'adressant, ne parlant que de l'islamisme radical, Erdogan effectivement essaye de faire croire que le président français s'en prenait à tous les musulmans. Et ça, c'est possible pour lui de le dire et pour certains musulmans de le croire, simplement parce que notre concept de laïcité est absolument incompréhensible pour le reste du monde. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. On le voit même dans les journaux américains. Bien sûr. En plus de ça, il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier. Il y a la relation de Erdogan avec les Américains, qui est à la fois très mauvaise en ce moment, mais qui est indispensable pour les Américains. Enfin, le consensus au sein du Pentagone est que la Turquie est indispensable à l'OTAN. Il n'y a qu'à regarder la carte, tout le monde comprendra pourquoi, indépendamment même de son histoire culturelle, etc. Et il y a aussi l'emphase qui est mise par le secrétaire d'État américain actuel, M. Pompeo, sur la liberté de pratiquer la religion. Cette emphase qu'il met sans cesse quand il va, par exemple, dans les pays du Golfe ou très récemment en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, où il met l'emphase sur la liberté de religion, etc. On doit protéger la liberté d'être musulman partout. C'est aussi, de la part de Pompeo, une manière, alors, un petit peu comme celle de Erdogan, de mettre un coin entre les Européens et les États-Unis. Tout à fait. Ça a été un peu c'est du billard à plusieurs banques pour tout le donc, monde. Exactement. J'allais juste ajouter, si vous me le permettez, à propos d'Erdogan, que c'est un grand parleux, petit faiseux. Parce que, en fait, c'est un peu. En fait, quand il est confronté à la réalité, c'est que, par exemple, quand il s'oppose à Emmanuel Macron en Méditerranée orientale, à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il retire ses bateaux, et puis il a, par exemple, dès aujourd'hui, on a appris que finalement, il n'y aurait plus d'exercice militaire de la marine turque dans la mer Égée le 28 octobre, c'est-à-dire après-demain, parce que il y a eu les tensions avec la Grèce, la France, avec l'histoire de la frégate Courbet l'été dernier. Il parle beaucoup, il fait des grands gestes et puis il retire ses bateaux. Donc là, on peut dire que sur le sujet, il est facile pour lui de faire la claque. Il est facile pour lui d'agiter le marigot ou le bocal. Oui. Il est facile et dangereux, parce que j'ajouterais quand même que c'est tout de même dangereux de faire ce genre de choses. Mais c'est facile, ça lui coûte pas cher et ça peut lui rapporter gros. Que voulez-vous que je vous dise ? Pour aller dans votre sens, notez que la Turquie a aujourd'hui condamné, je le cite, l'assassinat monstrueux de Samuel Paty par un tweet du porte-parole de la présidence turque. Tout ça à l'issue de toute cette journée de tension et alors qu'il y a eu effectivement ces invectives lancées par Erdogan dans un discours dans la même journée. Grand parleux, petit faiseux. Alors, l'une des conséquences aussi de tout cela, c'est que la Turquie a appelé avec d'autres au boycott des produits français. Écoutez bien le président turc. Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « N'achetez pas les marques turques ». Je m'adresse d'ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas. C'est un appel aujourd'hui qui suivait celui d'autres pays au boycott de produits français. Plusieurs vidéos virales sur les réseaux sociaux ont permis de voir, ces produits français, ces marques françaises retirées des rayons des supermarchés. En l'occurrence, il s'agit d'images dans un supermarché au Qatar, mais il y a eu aussi des images au Koweït, dans de très nombreux pays. Est-ce que vous interprétez cela, Anne Kratz, sachant que, tout ça a commencé par la défense des caricatures de Charlie Hebdo par Emmanuel Macron et les premiers pays qui ont commencé le boycott ont justifié cela par leur réaction à la défense des caricatures. Oui, ils ont justifié cela, y compris les amis français dont vous venez d'évoquer les noms dans le Golfe. Moi, j'aimerais bien citer ici Régis Debray, qui a écrit des choses très intéressantes sur le sacré. Et il a dit quand même que tout le monde a droit à son sacré. Alors moi, je voudrais dire que si j'étais musulmane et si on insultait mon Dieu de façon récurrente, peut-être que ça ne me ferait pas très plaisir et que j'en prendrais ombrage. Je crois que la liberté d'expression, c'est cela qu'on a tous évoqué au sujet de la publication de ces caricatures, est quelque chose qui ne se divise pas. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc, les caricatures ont été publiées il y a quelque temps. Elles ont suscité des morts. Les gens qui ont commis ces forfaits sont en train d'être jugés en France. C'est tout à l'honneur de la France. Peut-être qu'il faudrait quand même essayer de voir s'il ne serait pas un peu raisonnable de ne pas provoquer d'autres tragédies en republiant des caricatures qui ont déjà fait la preuve éclatante de la liberté d'expression en France. Alors, une atteinte à la liberté d'expression que de dire qu'on ne peut pas republier ces caricatures. Je pense qu'il vaut mieux pas rentrer dans ce débat. Je ne dis pas ça, mais je crois qu'il faut quand même montrer un petit peu il faut être un petit peu raisonnable dans l'utilisation je suis assez d'accord avec vous, pas tout à fait sur les mêmes points, mais bon, l'idée là qu'on essaie de voir, c'est d'abord ces boycotts n'ont jamais réussi. Parce que si s'opposer à la France, ça consiste à boycotter le Babybel, ou le Vache qui rit, ou le Caprice des Dieux. Merci de citer plusieurs marques. Voilà, plusieurs marques, histoire que tout le monde en ait pour son compte. Ça ne marche jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce ne sont pas des pays qui ont appelé au boycott, mais bien des associations ou des individus qui l'ont fait dans les pays en question. Quand le Qatar appelle au boycott, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, ils ont d'autres choses en tête, comme le fait qu'ils sont eux-mêmes l'objet d'un blocus de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, les fameux usual suspects alliés des Français. Par ailleurs, ces boycotts, on les a vus plein de fois, notamment d'ailleurs au moment du sortir des caricatures de Mahomet en 2015, même avant, 2012 à 2015, où on a vu des drapeaux français brûlés, etc. Oui. Où il y a à la fois instrumentalisation de ces caricatures. Il y avait même eu au Danemark des caricatures qui avaient suscité des réactions du monde musulman. Incompréhension totale du monde musulman qui ne comprend pas ce que signifie le fait que le blasphème ne soit pas incriminé en France, ou ni un crime ni un délit, ça n'existe pas en France, tout simplement, et qui ne comprend pas, et qui il y a vraiment une histoire de lost in translation, nous sommes perdus dans la traduction entre ici et Islamabad, ici et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, et ça demanderait des heures et des heures d'explications, c'est pas sûr que donc un, je ne crois pas à ces boycotts. Deux, ils sont là pour marquer le coup, appelé par des associations et pour essayer de remobiliser sur une chose qu'en fait, je pense, que ne mobilisera pas grand monde. Donc, et par ailleurs, quand Erdogan appelle au boycott, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne lui coûte rien. La France est son dixième client et son septième marché d'exportation. Bon, nous, on sera privé des pistaches. Oui. Et l'Arabie. Et ça ne mange pas de pain. Et on sera privé des pistaches. Et eux, par contre, risquent d'être privé des voitures Renault qui sont fabriquées chez eux. Donc il y a une balance à faire. Franchement, ça ne m'émeut pas particulièrement. Ça ne m'inquiète pas. Oui. Comme vous le disiez à l'instant, il faut le souligner, pour le moment, Erdogan est le seul chef d'État qui a appelé au boycott. Les autres, ce sont des organisations islamistes ou des particuliers, les réseaux sociaux, etc. Et d'après ce qu'on entend dire en Turquie même, ça reste assez limité, assez milieu. Il a fait l'appel seulement aujourd'hui. En tout cas, faut-il craindre un impact économique important pour la France? Vous nous dites plutôt non. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, appelle aujourd'hui les entreprises françaises à résister au chantage et à subir courageusement. Écoutez-le. Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui sont implantées là-bas, dans l'agroalimentaire, dans le luxe, dans les cosmétiques. Mais il n'est pas question de céder au chantage. Y a un moment où on doit faire passer les principes avant la possibilité de développer nos affaires. Et donc on est évidemment totalement solidaire du gouvernement français. Et moi, évidemment, j'appelle les entreprises à résister à ce chantage. Anne Kratz, est-ce que... Mais alors, c'est facile à dire. Mais oui, voilà, c'est facile à dire. Vous dire c'est, ouais. Ça. C'est vraiment de la popularité pour pas cher. Oui. C'est-à-dire, tout le monde va vous dire, et moi le premier, mais résistons au boycott. Mais enfin, le problème n'est évidemment pas là. Et d'une certaine manière, réagir à la parole d'Erdogan est presque à cette parole-là, je veux dire, cette parole d'appel au boycott, au quotidien et au tac, est presque contre-productif. Les problèmes sont ailleurs, plus graves. Et quand quand en fait, encore une fois, je vous disais tout à l'heure d'Erdogan, j'avais l'air de faire un bon mot, mais c'est vrai, grand parle petit faiseux, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous verrez donc dans quelques jours, d'ailleurs on l'a déjà vu. Vous dites que ça va s'essouffler. Non seulement ça va s'essouffler, mais il a mis immédiatement des contre-feux. Il y a un mois et demi de ça, il s'en prenait à la Grèce. Et puis on apprenait par la bande que, finalement, il avait décidé de restaurer un monastère auquel les Grecs tenaient beaucoup, qui se trouve sur l'île des Princes, en large d'Istanbul. Il allume des contre-feux en permanence parce qu'il ne veut pas se fâcher sérieusement avec ceux qui sont les alliés fondamentaux de la Turquie depuis 60 ans, parce que les militaires qui ne le veulent pas, que sont les États-Unis et la France, même la Grèce, par le biais de l'OTAN. C'est son assurance. Il ne veut pas, grosso modo, se mettre entre les mains de Vladimir Poutine et de la Russie, qui est, à mon avis, pour les intérêts turcs, autrement plus dangereux que les lointains États-Unis ou que la France, qui reste malgré tout une puissance moyenne et avec laquelle on peut discuter, en plus avec laquelle on fait des affaires. Voilà. L'OTAN qui existe encore, même si Emmanuel Macron l'avait considéré comme étant en mort cérébrale. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont Emmanuel Macron réagit face à la Turquie, que je trouve toujours un peu excessive. Allez, on va terminer avec... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, c'est pas la peine d'en rajouter. Justement, la diplomatie n'existe plus. On n'a plus qu'une rhétorique absolument excessive dans tous les domaines. Et comme vous dites, une chose qui était, si vous voulez, le béaba de la diplomatie, justement de ne pas répondre systématiquement à toutes les provocations. On oublie tout ça. On répond provocations, qu'elles soient étendues. Je reconnais que Erdogan est très énervant, qu'il se retrouve encore une fois sur tous les dossiers que les Français aimeraient vouloir maîtriser, notamment la Libye, qui pour Emmanuel Macron est un no-go, où il se retrouve nez à nez avec la Russie et la Turquie en Libye, alors que la France comptait au moins tirer un peu les marrons du feu de son intervention de 2011. Je reconnais que ça peut être très agaçant. Mais la réaction d'Emmanuel Macron ces derniers jours est vraiment trop excessive. Allez, on termine avec le troisième thème de ce match, un troisième thème consacré au match Trump-Biden, alors que le Sénat américain vote aujourd'hui pour confirmer la juge nommée par Donald Trump à la Cour suprême aujourd'hui. Donc c'est une juge, une fervente catholique, conservatrice de 48 ans, qui remplace une icône progressiste, féministe. Alors ça va beaucoup modifier l'équilibre au sein de la Cour suprême pour vous, Anne Kratz. Qu'est-ce que ça va changer ? Oui, bien sûr. Ben là, la Cour se retrouve à presque 100% conservatrice. Oui. Cela dit, Juges contre 3 plus progressistes, quoi. Ça dépend dans quel domaine. Il faut bien voir que la Cour suprême des États-Unis ne s'occupe pas que des grandes questions de société, mais s'occupe aussi beaucoup de questions qu'on pourrait appeler commerciales, capitaliste, etc. Et que très souvent, dans ces cas-là, elle donne tout à fait raison aux grands capitalistes, etc., par rapport au petit peuple, disons. Ça va mais bien sûr. Mais sur les questions de société, disons que c'est là qu'on... Oui, pour les questions de société. Oui, mais alors, moi, je constate que, historiquement, pour les questions de société, la Cour suprême des États-Unis a toujours été dans le sens de l'histoire du pays. Donc, je pense que je suis peut-être en train d'être l'avocat du diable ici, mais je pense que même avec Madame Barrett à la Cour, je ne pense pas, par exemple, qu'il y ait un très grand danger que la Cour élimine, par exemple, le droit à l'avortement. Je ne le crois pas. C'est la grande inquiétude. Je pense qu'il y aura une révolution aux États-Unis. Quant à éliminer l'Obamacare, c'est-à-dire le programme d'assurance maladie pour les Américains les moins fortunés, je ne pense pas non plus que ça ira très loin, parce que les Républicains ont déjà essayé 3 fois et ils ont échoué, et qu'il y a un soutien assez fort pour ce programme au sein de la population. Il y a un argument qu'on a toujours oublié sur cette affaire d'avortement, notamment parce que c'est ce que craignent les progressistes, au fond. Grosso modo, c'est que la fameuse décision qui date, je crois, de 69, qui permet l'avortement aux États-Unis, qui ensuite a passé son temps à être restreinte, mais enfin qui permet l'avortement aux États-Unis, en fait est un argument républicain. L'idée, c'est vous, citoyens, vous habeas corpus, vous disposez de votre corps, une femme dispose de son corps et ne peut pas se faire imposer ce qu'elle doit faire ou pas par le gouvernement, le médecin, une institution. C'est la définition même de la liberté américaine défendue par le Parti républicain à l'époque. À l'époque où, par exemple, Ronald Reagan avait signé dans les années 60 une des lois les plus libérales pour l'avortement, alors qu'il était gouverneur de Californie. L'avortement, c'est dans l'ADN républicain. C'est-à-dire qu'en fait, les premières lois pour l'avortement, pour la défense du droit des femmes de disposer de leur corps contre l'institution qui voulait leur imposer de ne pas avorter, c'était un argument républicain. Ça a beaucoup changé depuis, je ne vais pas non plus faire le malin en essayant de faire le sophiste. Il est vrai que ça pose un problème que 6 juge suprême, justice, soit maintenant entre les mains des conservateurs. Mais il y a une solution, et c'est pour ça que les démocrates font pas les malins. Il y a une solution qui consiste éventuellement, si Joe Biden est élu, si le Congrès reste aux mains des démocrates, et aussi le Sénat passe aux mains des démocrates, qui s'appelle Pact Court, qui consiste en fait à ajouter des juges. Et c'est parfaitement possible parce que la Constitution américaine ne prévoit pas le nombre de juges. Donc, à l'issue de l'élection, le président devant la constatation qu'il y a trop de juges conservateurs pourrait décider de faire nommer par le biais d'une loi 2 ou 3 juges de plus et cette fois-ci démocrate. Oui, ça serait bien, mais nous en parlions avant le programme. La majorité des Américains n'est pas totalement favorable à cette idée d'augmenter le nombre des justices déjà. Et puis il y a quand même un autre aspect à la. C'est que l'administration Trump a déjà pacté the courts, mais les autres cours tous les autres avec des juges extrêmement conservateurs dans tout le pays. Et c'est là où, par exemple, le débat sur l'avortement va être un peu plus compliqué quand même, parce qu'à l'intérieur des États qui, vous le savez, peuvent faire ce qu'ils veulent et qui ne sont pas forcément dépendants de l'État fédéral, ils peuvent mettre beaucoup d'obstacles à l'avortement. Par exemple, en ne permettant pas l'existence de plus d'un certain nombre de cliniques dans un État, etc. Donc, rendant l'avortement dans certains États, en particulier ceux du Sud et du Middle West, beaucoup plus difficile pour les femmes d'obtenir l'avortement. C'est ça le problème. Alors, tout cela s'inscrit bien sûr dans le contexte où on est dans la dernière ligne droite de la présidentielle américaine. Une campagne où la pandémie de la Covid était omniprésente. Ce week-end, c'est Barack Obama qui a éreinté la politique de Donald Trump. Il était dans un état clé, d'ailleurs, puisqu'il était en Floride. Regardez. Cette pandémie aurait été difficile à gérer pour n'importe quel président, car nous n'avons pas vu une telle chose depuis 100 ans. Mais l'idée que cette Maison-Blanche ait fait autre chose que complètement foirer est absurde. 8 mois après le début de cette pandémie, les nouveaux cas battent encore des records. Donald Trump ne va pas soudainement nous protéger. Il n'est même pas capable de prendre les précautions les plus élémentaires pour se protéger lui-même. Voilà pour cette intervention de Barack Obama qui s'inscrit aussi dans le contexte, Anthony, où Mark Meadows, le chef de cabinet de Donald Trump, a dit « Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins, ce qui est vécu, ce qui est analysé comme un aveu d'impuissance pour les démocrates. » Alors, les États-Unis, grosso modo, face à l'épidémie, se retrouvent dans une très mauvaise position. Ils étaient partis très loin. C'était un des pays qui était le moins affecté au monde. Je parle de ça il y a encore 2-3 mois. Et aujourd'hui, ils sont 10e au monde en nombre de morts par million d'habitants. Ils ont dépassé largement la France, qui est 18e, et même la plupart des pays d'Europe. 224 000 morts du Covid aujourd'hui. Voilà. Et en proportion, parce que c'est faux. En proportion, parce que c'est comme un continent. Ça fait à peu près 640 morts par million d'habitants. Je rappelle que la France est à 500. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et puis en plus, on voit bien qu'en plus, ils sont en train d'aborder cette deuxième phase de l'épidémie en partant de très haut. Et donc, c'est-à-dire que c'est une catastrophe qui en plus est en train d'advenir. Je vais vous dire une chose. En fait, en quoi ça affecte le vote? Eh bien, tout simplement parce qu'aux États-Unis, ceux qui votent le plus sont plus de 65 ans. Et les plus de 65 ans, il y a encore, au moment de 2016, au moment de l'élection de la première élection de Donald Trump, avaient par 10 points favorisé Donald Trump. Et aujourd'hui, ils sont 10 points de moins. C'est-à-dire que Donald Trump est derrière Joe Biden de 10 points dans cette catégorie de la population. Je peux vous le dire, c'est une catégorie de la population très importante qui vote beaucoup et ça signe l'élection de Joe Biden. Ah oui, Anne Kratz, le mot de la fin et votre pronostic, puisque... Joe Biden. Voilà, Joe Biden pour Anthony, votre pronostic. Oui, écoutez, moi je ne voudrais pas être... c'est pas encore tout à fait joué à cause du système électoral américain, c'est pas encore tout à fait joué. Ah, il y a encore 40... vendre la peau de l'ours. Absolument. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On espère tous, à titre personnel, je le dis aussi, on espère tous que Joe Biden va gagner. Les chiffres sont bons, mais ce n'est pas encore gagné à cause du système électoral américain. Il y a quand même un noyau très dur de soutien à Trump qui ne fait pas défection. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce match. Fin de cette émission. On pensait avoir vu le pire avec les élections municipales et le record d'abstention est encore battu. C'est le pire niveau de toute la Ve République. Dorénavant, plus de la moitié des électeurs ne se rend plus aux urnes. Ici, à peine 1 sur 3. Et d'abord, ce sont les quartiers populaires qui refusent leur participation. À ceux qui pourraient se satisfaire de cette situation, je rappellerai qu'une démocratie sans électeurs, ce n'est plus vraiment une démocratie. L'abstention à ce niveau fonctionne comme un refus de vote, comme une grève des urnes. Dans ce contexte, le gouvernement a une responsabilité particulière. Pas de campagne d'explication, une carence de fonctionnement de l'État quasi totale et comme on n'en avait jamais vu. Tantôt, le matériel électoral n'est jamais arrivé dans les boîtes aux lettres. Tantôt, une partie seulement. Tantôt, les bureaux de vote n'étaient pas ouverts. Tantôt, la liste d'émargement des procurations n'existait pas. De leur côté, les militants politiques ont fait leur travail. J'en atteste. Présents partout, animant des réunions, allant au contact. Ils n'ont aucun reproche à se faire. Cependant, on interrogera l'absurdité du débat public depuis 6 mois, qui voit l'attention être attirée sur la sécurité, l'islamo-gauchisme, le séparatisme, le complotisme et autres billes visées. Sans qu'un mot ni un débat soit jamais organisé à propos de l'aide sociale, qui est pourtant la compétence essentielle des départements dont l'élection a lieu en ce moment. Sans qu'un mot soit dit sur la formation professionnelle ou les transports qui sont dans la vie quotidienne de chacun, alors que ce sont les responsabilités essentielles des régions. Au point où nous voici rendus, il est temps de comprendre à quel point les abus de pouvoir permanents de la monarchie présidentielle ont fini par donner le sentiment que toute autre élection est résiduelle et sans signification. C'est pourquoi nous demanderons que des mesures soient prises dès maintenant, avant les élections présidentielles et législatives de l'année prochaine, car il y a des raisons de s'inquiéter. D'abord peut-être parce que l'entreprise qui est censée assurer la distribution des professions de foi et des bulletins de vote pour ces 2 élections est la même que celle qui a si gravement défailli à cette occasion. Ensuite, parce qu'il est temps de s'interroger publiquement sur les causes de tels dysfonctionnements. Le bureau de l'Assemblée nationale serait bien inspiré d'ouvrir une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote de ce dimanche. Ensuite, sans doute, serait-il temps de se demander, et nous ferons une proposition de loi dans ce sens, s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un seuil minimum de participation pour qu'une élection soit déclarée valide. Et, dans ce sens, que le vote blanc soit reconnu comme tel, comme vote. Au total, il est temps que revienne dans le giron public l'organisation des élections. Il est temps que les citoyens soient munis de droits nouveaux à l'égard de ces élections et à l'égard des élus qui en sortent. De leur côté, les insoumis, présents seulement à la tête d'une liste dans 4 régions, étudieront bien sûr leurs résultats comme ceux des autres. Ils auront la modestie de savoir qu'en toute hypothèse, dans un tel océan d'abstention, quel est vraiment le sens de ce qui se dit. Pour autant, à la veille du second tour, les situations régionales et départementales seront naturellement très diverses, non de notre fait, puisque nous aurons en vain sollicité un accord national entre diverses formations politiques avant le premier tour. Mais nous lançons un appel pour ne pas ajouter à tous les malheurs de notre démocratie une affliction de plus. Nous ferons ce qu'il faut pour convaincre chacune et chacun qu'il ne faut pas donner de région au Rassemblement national. Car c'est une formation politique qui incarne la violence qui s'exprime de plus en plus depuis plusieurs semaines dans l'arène politique. Parce que c'est un parti de ségrégation religieuse et de discrimination sociale. La France doit pouvoir se relever de ce nouveau désastre démocratique, à la condition, bien sûr, qu'on n'y ajoute pas. Quoi qu'il en soit, nous serons et nous resterons la formation du refus des combines et des embrouilles avec les partis du système, portant fièrement les valeurs de l'insoumission et de la République. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi, hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, moi, je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour d'espoir, des coqs et des poules, toute la ville m'enverrait. Car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, et tous les jours j'ai digi-digi-dum. Oui, si j'étais riche, moi, hey, adieu la charrette, digi-digi-dum. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi. Oh, yeah. Et notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec Merci nous, de député invité. La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Baptiste Bise de la Nouvelle République. On a le plaisir d'accueillir. Bonjour Baptiste. Bonjour Oriane. Merci d'être avec nous. On commence, Alexis Corbière, par la nouvelle loi antiterroriste. Les députés ont commencé à l'examiner hier après-midi. C'est une loi qui renforce les moyens de renseignement pour prévenir les actes terroristes et qui renforce aussi le contrôle des condamnés pour terrorisme à leur sortie de prison. Pourquoi vous vous opposez à ce texte ? Parce que vous dites gentiment la nouvelle loi. De fait, c'est une nouvelle loi, mais franchement, c'est la reproduction de textes, de la logique de précédents textes. On en est à 36 textes, je crois, en 35 ans, qui concernent antiterrorisme. On en a 20 textes depuis 1986. Oui, mais il y a entre les lois sur la délinquance, les lois sur le terrorisme, qui sont toujours la même philosophie, la restriction des libertés. Nous, on aimerait qu'on ait une discussion, une réflexion en termes de stratégie de lutte contre le terrorisme, contre ce terrorisme islamiste en particulier, mais sur le terrorisme en général. Et on a parfois l'impression qu'il y a une surenchère verbale au nom du fait qu'il faut agir pour, en quelque sorte, envoyer des messages à nos concitoyens. On s'agit, on restreint des libertés, on crée, on généralise des choses, par exemple les visites domiciliaires, je l'évoquais hier, sur les 149 visites domiciliaires qui ont lieu depuis 3 ans, 148 n'ont absolument servi à rien, et le seul moment où elle a été utile, sans doute que du renseignement, du bon vieux renseignement à l'ancienne, aurait été tout aussi efficace. Donc on donne pas assez de moyens à ce qui est utile dans la lutte contre le terrorisme, notamment des moyens humains par exemple. On développe, alors il y en a eu des moyens humains, développe, sous ce quinquennat, bah, il y a eu près de 2000 Pharos, effectifs, oui, supplémentaires pour le renseignement intérieur. notamment sur la plateforme Pharos, c'était l'objet d'un grand désaccord à l'époque avec le ministre Darmanin il y a peu de temps, ou même ses prédécesseurs. On a été un peu entendus parce que nous pensons que c'est ce type de dispositif qu'il faut aider. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs législatifs qui existent, auxquels il faut donner des moyens humains, qu'il faut évaluer. C'est aussi la faiblesse de ce texte. Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été adopté il y a encore moins d'un an? Et on est parfois dans des textes qui se superposent et qui ont assez peu d'efficacité. Donc ça nous amène à vouloir avoir cette discussion et qui amène, et je trouve que c'est pour ça que c'est très politique, mais politicien au sens négatif du mot, ce que fait le gouvernement, c'est que sitôt que nous faisons des critiques, on a eu Dupond-Moretti qui est arrivé et qui nous a dit qu'en gros on était du côté des assassins, des islamistes. Moi, je trouve que quand il était avocat, c'était acquittator. Depuis qu'il est ministre, c'est insultator. Franchement, il fait que ça. Il est assez grossier, je lui ai dit hier. Le style, c'est l'homme, dit-on. C'était Buffon qui disait ça. Le sien est reconnaissable. Franchement, c'est assez vulgaire. Sitôt qu'on le critique, c'est Sa Majesté a toujours raison. Et sitôt qu'on le critique, on est du côté des assassins. On est anti-flic. Ça, c'est surtout Darmanin qui fait ça. On est du côté maintenant des terroristes islamistes. Enfin, c'est insupportable. Et quand on aime le Parlement, et je le dis en plus parce qu'il faut défendre le Parlement, je le dis à plusieurs titres. Au passage, je rappelle que ma collègue Bénédicte Taurine encore, parce que comme députée est allée à côté de paysans, elle s'est fait secouer et brutaliser. Mais quand on aime le Parlement et qu'on est ministre, mais quand on a l'opposition face à soi, on la respecte, on essaie d'écouter où sont les critiques et on ramène pas, comme je disais, des arguments tellement simples qu'ils ne s'adressent qu'à des esprits simplistes, à savoir, si vous me critiquez mon texte, si vous voulez un bilan des 35 lois antiterroristes et contre la délinquance de ces dernières années, c'est que vous êtes du côté de ceux qui égorgent nos concitoyens. Franchement, c'est vulgaire et insultant. On va y revenir sur le fond de cette affaire avec Baptiste. Alors, vous, concrètement, vous proposez quoi, quand même, pour répondre à cette menace terroriste qui est permanente? Ce que nous disons, comme outil, supplémentaire. Renforcer nos services de renseignement, c'est assez important. C'est ça qui est déterminant, vous savez, c'est l'information. Tous ces algorithmes, aujourd'hui, qu'on nous propose, ont assez peu d'efficacité. D'autant qu'ils sont mis entre les mains aussi de différentes agences qui sont liées aux États-Unis et qui sont liées notamment à la CIA. Donc tout ça. Mais pour vous, ça suffit le renseignement humain? Notamment sur son appel. Les signaux faibles, il n'y a pas besoin d'algorithmes et de plus pour ça détecter peut aider, ces signaux. Mais c'est assez peu efficace. Justement, ce que je demande, c'est qu'on évalue ce qui a d'ores et déjà été mis en place. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les différents attentats dernièrement qui ont été déjoués, les visites domiciliaires que j'évoquais, je crois qu'il y a eu là aussi sur les 58 ou 59 attentats qui ont été déjoués, franchement, dans l'ultra grande majorité des cas, 58 je crois, c'est du service de renseignement qui a permis de les déjouer. Donc donnons les moyens à ce que ça ait lieu. Recrutons des gens. Recrutons. Encore plus que les 2000 déjà. Recruter. Oui, sans aucun doute. Et donnons-leur aussi des moyens de travailler. Vous savez, là, ils viennent d'arriver, les 2000. Essayons de voir qu'est-ce que ça produit véritablement. Mais surtout, ne restreignons pas nos libertés publiques. Je sais bien que nos concitoyens, à juste raison, sont inquiets de la situation. Mais c'est pas en créant une gigantesque loi des suspects qu'on va régler le problème. Et moi, c'est pourquoi j'ai trouvé que même le texte, on n'a plus le temps de développer, mais ce qu'on appelait séparatisme, renforcement des principes républicains, était plus un texte, pour blesser, humilier nos concitoyens de confession musulmane sans aucune efficacité contre le terrorisme qui vise à s'introduire dans des associations culturelles. Alors que l'esprit même de 1905, la laïcité, c'est que précisément il y a une stricte séparation entre l'État et le cultuel, mais on veut faire croire que comme ça on va être plus efficace. Mais là vous avez employé l'expression de loi des suspects. Pour vous cette loi c'est une loi des suspects? Oui, c'est une loi des suspects. Elle est assez peu efficace. Parce qu'elle crée le sentiment que même qu'on va surveiller les gens, qu'on va pouvoir débarquer à toute heure et qu'on va mettre tout le monde dans une situation de contrôle généralisé de ce qu'ils font, alors que tout ça, et notamment à travers des algorithmes sur les réseaux, alors que tout ça est assez peu efficace. Par contre, recrutons des gens, pourquoi pas même, on aura compris, des locuteurs particuliers, puisqu'on a affaire des fois de terrorisme islamiste qui comprennent mieux ce qui se passe. Ça, c'est efficace. Et souvent, pourquoi on s'est affaibli par rapport à ça, c'est qu'on a eu des politiques publiques en raison des politiques d'austérité qui ont affaibli le service public dans nos services de police et d'enseignement. De votre point de vue, est-ce que ce texte menace l'état de droit? Un petit peu, oui, parce qu'effectivement, il restreint des libertés. Mais en quoi il menace l'état de droit? Je vais prendre un exemple sur ce que je veux dire, précisément qu'on me comprenne bien. Et je l'ai dit hier au ministre garde des Sceaux. Dernièrement, une des personnes qui a attaqué au couteau, je crois que c'était Rambouillé, est quelqu'un qui a de sérieux troubles psychiatriques. Et quelqu'un qui est allé en prison, qui s'est radicalisé en prison, c'est-à-dire qui est allé en prison pour des faits délictueux qui n'étaient pas liés au fait qu'il était islamiste. Et au sein de la prison, il s'est radicalisé. Et à sa sortie de prison, n'ayant pas été suivi sur le plan psychiatrique et s'étant radicalisé, il a à nouveau frappé avec, en faisant cet acte odieux que nous condamnons tous. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait aussi s'interroger sur le fait que, et ça a été constaté par nombre de rapports parlementaires, que la prison aujourd'hui, telle qu'elle est, accueille déjà 30% de personnes ou 25% de personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui n'auraient rien à faire en prison, qu'il faudrait traiter à part. Je ne dis pas les mettre en liberté. Quoi. Ceux qui nous suivent ne tombent pas dans le panneau qui consiste à dire on veut les mettre dehors, mais traiter dans des structures particulières pour que le trouble particulier qu'ils subissent soit pris en charge, et qu'à l'inverse aussi, la prison ne soit pas un lieu de radicalisation où des gens qui n'ont pas et qui ne sont pas liés jusqu'à présent à une religion de manière exaltée et dangereuse en sortent de là. Ça aussi, ce serait efficace. On peut en discuter de ça. C'est mais totalement c'est parce absent qu'à l'heure du texte. Actuelle, la prison est quelque part un lieu de radicalisation. On travaille à ça. M'intéresse et ça nous intéresse. Ça intéresse la société pour mais nous non, protéger. Mais justement, il y a près de 200 condamnés pour terrorisme qui vont sortir de prison. Et c'est aussi l'objet de ce texte, c'est de renforcer le suivi de ces personnes-là. Est-ce que là, vous êtes d'accord qu'il faut renforcer le suivi de ces personnes qui sortent de prison? Mais ce suivi existe d'ores et déjà. Et par ailleurs, l'idée aussi que... Ça veut dire qu'il ne faut pas le renforcer? Pas particulièrement. Ou d'ores et déjà, vous savez, c'est pas des gens qui vont se balader librement qu'on va pas surveiller. Ça, c'est. Mais au-delà de tout ça, bien sûr qu'on faut continuer à veiller à ce qu'ils font, éventuellement veiller à ce qu'il y ait un contrôle judiciaire, mais dans le cadre de l'état de droit. Vous savez, quand on a été condamné pour terrorisme, eh ben le renseignement continue à suivre ce que vous faites. Je veux dire, ça prolonge leur durée, ça les renforce, ces mesures individuelles de contrôle. Est-ce que ça, vous allez le voter? Mais non, mais on est contre ce texte. Vous l'avez. Vous ne voterez rien. On va voir le débat tel qu'il est. Nous, on porte des amendements, notamment par les services humains de renseignement. Mais telle que la tournure qu'a pris le débat, vous avez raison qu'il ne faut jamais, quand on est parlementaire, préjuger, même si on a un désaccord de fond. Mais la manière dont le débat a été posé hier, on a bien vu, qui est un peu au burin, j'ai envie de dire. Notamment sur ce point, vous avez entendu Éric Dupond-Moretti, vous étiez présent dans l'hémicycle hier, il vous a dit, la France Insoumise, accepter que des gens qui sont encore dangereux se promènent en liberté, c'est irresponsable et indigne. Je le laisse à ses propos. Moi, ce qui me sidère, c'est que ces gens qui font la leçon sont en responsabilité, que ce soit la droite ou le gouvernement actuel, depuis des années, mais viennent accuser encore la France Insoumise du fait qu'en quelque sorte, nous soyons, nous, responsables de la situation. Aucune modestie de leur part. Pour quelle raison, par exemple, sur le sujet d'antiterrorisme, il y a encore des gens qui continuent à frapper, notamment des policiers? Pourquoi des gens qui ont, j'évoquais ce cas de quelqu'un qui a un trouble psychiatrique? On pourrait continuer sur, par exemple, les violences faites aux femmes, qui étaient soi-disant le grand sujet, que monsieur le garde des Sceaux aussi devrait nous aider un peu. Regardez le nombre de cas de gens qui ne sont pas suivis, qui ont frappé leur femme, que leur épouse, hélas, souvent désormais décédée, est allée au commissariat, mais la justice n'a pas suivi, la police n'a pas eu les moyens. Ces gens-là, non. Là, je parle pour le coup de l'arrogance avec laquelle M. Dupond-Moretti s'adresse à nous, ne tire aucun bilan de leur faiblesse, qui n'est pas leur faiblesse personnelle, mais souvent des conséquences des politiques qu'ils mènent, et nous mettent encore sur les genoux la responsabilité des problèmes. Donc tout le monde voit bien que c'est politicien tout ça, totalement politicien. C'est des textes d'agitation, ces textes qui n'ont pas d'efficacité, c'est des textes de cache-misère en vérité, souvent des conditions de travail difficiles dans lesquelles travaillent nos renseignements. Et comme je le disais surtout, et on va peut-être arrêter sur cette séquence, c'est que. Mais juste un dernier mot, parce que. Que les choses soient claires, parce que je l'ai dit hier à la tribune, et je veux que la formule soit claire. Un acte terroriste, c'est pas... Il y a une différence avec ce qu'est un acte criminel, c'est qu'il a une volonté politique, c'est-à-dire de mettre une société sous tension, d'amener à ce que notamment les dispositifs législatifs de la société évoluent. Donc prenons garde, parfois c'est nécessaire de faire évoluer la loi, mais nous-mêmes de ne pas accepter l'agenda que nous fixent les terroristes, en quelque sorte en créant une situation qui vise à notamment montrer une partie de nos concitoyens comme étant des suspects a priori. Là j'évoque plus la loi sur laquelle j'avais beaucoup travaillé sur séparatisme que j'évoquais, c'est que les associations cultuelles d'un certain culte sont surveillées alors que tout démontre qu'en vérité, ça n'est pas juste d'elle que vient les attentats terroristes. Avant de passer à un autre sujet avec Baptiste, vous allez saisir le Conseil constitutionnel sur cette loi antiterroriste? Oui, c'est Hugo Bernal ici qui s'occupe de ça. On va saisir parce qu'on pense que nombre de libertés publiques sont mises en cause. On va parler du Tour de France, Emmanuel Exactement. Macron. Le président de la République entame aujourd'hui son Tour de France par le Lot, ouais. Son Tour de France des régions, qui va le conduire tout l'été dans 10 départements, enfin dans 10 régions. C'est plutôt une bonne chose, non, de voir un président de la République sur le terrain, aller à la rencontre des habitants. Vous devez approuver, j'imagine. Oui, bon, c'est la stratégie du grand râteau là, pour les élections qui viennent. Alors il va comme ça, passer le. Comment dire, lisser le territoire national. Bon, non, mais comme président de la République, moi après, je suis quelqu'un qui critique la fonction présidentielle qui est très présidentielle en 5e République, donc c'est un peu Sa Majesté va voir ces sujets. Bon, mais l'idée qu'il aille sur le terrain, moi je vais pas la critiquer. Par contre, acceptons l'idée qu'il est en campagne présidentielle. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est le candidat pour vous plus que le président qui se déplace? Voilà, c'est-à-dire qu'il se déplace pour voir quoi, souvent ce qu'il sait déjà, j'espère, mais il va toucher des mains et il pense que le contact, c'est un homme qui a le contact facile, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est plutôt sympathique. Il répond, on lui reprocherait de s'enfermer à l'Élysée. Avec Carlito et McFly, qui est honnêtement un service, je ne sais pas ce que vous en avez parlé, mais d'une démagogie effrayante. Enfin là, bref, il se perd, mais c'est la même chose. On s'adresse aux jeunes avec ces deux youtubeurs, où au passage on rigole sur le cannabis et l'usage de la drogue, tout en expliquant que c'est très grave le cannabis et l'usage de la drogue. Chacun, à mon avis, se perd dans tout ça. Là, désormais, il va en province pour voir ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'il va rencontrer sans doute? J'espère qu'il les verra. C'est le fait qu'il y a 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté actuellement. C'est le fait qu'à partir du 1er juin, la réforme d'assurance chômage amène à ce qu'on va faire 2,3 milliards d'euros d'économies sur le droit des chômeurs. Qu'il y a une vague, la quatrième vague, comment j'ai dit, sociale qui arrive. C'est-à-dire, il y a 400 plans sociaux qui sont en place dans le pays avec beaucoup d'entreprises qui parfois, certaines ayant bénéficié d'aides publiques mal ciblées, on en parlera peut-être, mais avec des groupes qui font du profit et qui licencient. J'espère qu'il va voir tout ça, pas seulement des acteurs de LREM, comme c'est parfois le cas, des militants qui vont crier Macron, Macron sur son passage. Bon, on regardera les images attentivement, mais ils nous ont déjà fait le coup, vous savez, hein, d'une mise en scène, comme vous savez, qu'on appelle ça le truc Potemkin, quoi. C'est-à-dire qu'on fait visiter des fausses usines avec la fumée qui sort des cheminées, alors qu'il n'y a rien derrière. Là, c'est parfois le cas, quand Macron se promène, il n'y a que des gens enthousiastes, vive Manu, et puis en vérité, les militants sont mis au loin, les CRS bloquent, etc. On observera tout ça. On va parler des aides, puisqu'on va parler du budget rectificatif qui est présenté ce matin, Baptiste. Effectivement, le gouvernement présente ce matin au Conseil des ministres un budget rectificatif de 15 milliards de mesures d'urgence pour les secteurs les plus en difficulté. Ça, on imagine que vous allez l'approuver et que vous allez voter ce budget rectificatif. Non, mais aider les entreprises, bon, il faut le faire. Là, globalement, quand même, ce qui se passe à partir de vous allez le voter, c'est que ça le va commencer à être dégressif. Vous avez du mal à dire que vous allez voter un texte du gouvernement, quand même. Ben parce qu'il y a un effet leurre, surtout ce qui est en train d'être mis en place, c'est que progressivement, les aides vont commencer à baisser. D'accord. Surtout, moi, ce que je regrette, et là où le gouvernement a mené une mauvaise politique et a gaspillé de l'argent public, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans les aides publiques qui ont été accordées aux entreprises, ça n'était pas ciblé. On a un tissu économique qui a besoin d'aide. TPE, PME, indiscutablement, il faut continuer à les aider. Et je regrette que là, ça commence à baisser les aides. Alors bon, mais donc c'est 15 milliards, c'est oui pour vous. Non. Mais il y a un gaspillage d'argent public sur lequel, notamment toutes les entreprises qui ont touché des aides publiques, qui ont fait des profits et qui licencient, devraient rendre l'argent. C'est ça que devrait exiger ce budget et le dispositif qui devrait être mis en place. Est-il normal qu'en période de crise du Covid telle qu'on vient de rencontrer, les sommes reversées aux actionnaires, les dividendes reversés aux actionnaires de la part de nos grandes entreprises n'a jamais été aussi important, 51 milliards d'euros de dividendes reversés aux actionnaires. Nous, on a proposé une loi qui anti-profiteurs de crise, pour le dire simplement, que toutes les entreprises qui ont fait des surprofits en période de crise se voient un peu raboter les choses, qu'on accepte qu'elles maintiennent leurs profits un peu classiques, mais tout ce qui est du surprofit en période de crise soit redistribué vers ceux qui en ont besoin. Au motif que ça n'est pas fait, vous ne voterez pas le reste? Oui, sans doute, parce qu'en fait, je dis, c'est un texte d'affichage qui vise à masquer en vérité le fait que les aides pour les entreprises vont commencer à baisser et qu'on a gaspillé les mêmes qui mettent ça en place, beaucoup d'argent public qui serait nécessaire aujourd'hui pour continuer à aider nos entreprises. Et enfin, ce que je veux, moi, c'est qu'on ait en place un dispositif d'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits. Parce que vous savez, ce qui est en train d'avoir lieu, c'est des milliers de licenciements qui sont en place et ça va coûter extrêmement cher au pays, sans compter toute une série de mesures sociales. Je ne peux pas oublier de vous dire que depuis hier, c'est le début des expulsions locatives, des possibilités qui c'est la fin de la trêve hivernale. Voilà, pardon de le dire mieux que moi. C'est 60 000 familles qui sont concernées. Moi, je suis élu de Saint-Denis, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Je vois des patrons qui n'en peuvent plus et qui ne sont pas assez aidés. Je vois des gens qui subissent la précarité. Je vois des gens qui basculent sous le seuil de pauvreté. Je vois des familles qui sont en situation difficile et qui risquent d'être expulsées. Voilà ce qui m'inquiète. Un mot sur la PMA, le texte est de retour à l'Assemblée nationale. Là aussi, vous félicitez qu'Emmanuel Macron aille au bout de sa promesse de la PMA pour toutes. Voilà, pour le coup, oui, je souhaite la suppression, je crois, des modifications que les sénateurs ont fait. Moi, je suis favorable à la PMA. Enfin, quand je dis « je », c'est l'ensemble de la France insoumise. Ça me semble être un droit et qu'il faut mettre en place. Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron, il est temps de le faire. Un mot avant de parler politique avec Baptiste, puisque vous parliez de Bénédicte Taurine, hein, c'est votre député de la France insoumise, qui a été bousculé assez violemment par les forces de l'ordre. d'ailleurs, lors d'une manifestation. Hier, Jean-Luc Mélenchon, il a interpellé Jean Castex aux questions d'actualité. Là-dessus, il demande des excuses du gouvernement. Et Jean Castex vous a répondu que la manifestation n'a fait l'objet d'aucune déclaration, que l'occupation était illégale, que les policiers ont été blessés, étaient hospitalisés et que le procureur est saisi des faits. Est-ce que ce n'est pas plutôt à la justice de s'emparer de ce sujet qu'au gouvernement ? Non, mais que la justice s'en saisisse, c'est une chose. Mais que les choses soient claires. Et quand je dis ça, je le dis au Sénat. Et en défendant les sénateurs et les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je dis bien quelle que soit leur couleur politique. Qu'il n'y ait pas méprise. L'immunité parlementaire ne doit pas servir à ce que des actes délictueux, personnels, soient protégés. Ce serait scandaleux. Là, ce dont on parle, Bénédicte Taurine, si elle va là, c'est que c'est la Confédération paysanne. C'est une élue de l'Ariège, où il y a évidemment milieu rural, des agriculteurs, etc. Et ils amènent à vouloir la Confédération paysanne occuper une agence pour l'emploi afin de faire pression pour obtenir un dialogue avec le gouvernement. Si elle y va, c'est en comme députée politiquement pour accompagner cette occupation pacifique. Immédiatement, la police a débarqué. Moi, j'en veux pas directement aux policiers. Les consignes qui sont données, c'est assez rapidement dégagez-moi tout ça. Alors, et deuxièmement, Bénédicte Taurine portait son écharpe d'élu et on voit les images que vous avez montrées. Le policier la sort brutalement et même la frappe dans le dos et la fait tomber. Moi, je veux dire, ce symbole d'une élue portant l'écharpe, qui se fait frapper par un policier brutalement. En plus, si vous connaissez Bénédicte Taurine, c'est une amie. C'est pas un gros gabarit, hein. Je veux dire, le policier la frappe. Je trouve, moi, je suis pas d'accord. C'est pas ma République. Moi, je suis pas d'accord. Et donc, l'interpellation qu'a fait hier Jean-Luc Mélenchon est de dire, attention, là, ce climat, ça nous est déjà arrivé, que des députés se fassent verbaliser dans l'Assemblée nationale, qui sont même pas insoumis, que notre collègue Loïc Prud'homme à Bordeaux, une fois aussi, avait pris un coup de matraque sur la tête, etc., etc. Qu'en quelque sorte, il y a des policiers qui n'ont pas, comment dirais-je, le rappel que, attention, quand il y a un parlementaire, il est là sans doute pour essayer de faciliter ou de chercher le dialogue, il est là pour des raisons politiques. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus des lois, mais on doit quand même veiller à ce que le sens politique de sa présence ne soit pas, comment dirais-je, traité à coups de poing ou à coups de bousculade. C'est important pour défendre la fonction parlementaire. Donc je le dis, amis qui m'écoutez, je défends pas seulement Bénédicte Taurine, même si c'est une amie. C'est l'idée que quand même le parlementaire, c'est important, c'est un contre-pouvoir et par définition, le pouvoir doit accepter que quand un représentant de ce contre-pouvoir est là, il peut pas être bousculé. On va parler des régionales en Ile-de-France, Baptiste. Ben oui, un nouveau sondage qui a été publié hier qui donne encore une fois Valérie Pécresse largement en tête des intentions de vote, devant le candidat du Rassemblement National, devant le candidat de La République En Marche et tous les candidats de gauche sont en retrait. Même Audrey Pulvar repasse sous la barre des 10%. Est-ce que vous n'avez pas l'impression maintenant, à quelques semaines du premier tour, qu'ils sont tous en situation d'être éliminés, en tout cas que cette multiplication des candidatures à gauche est éliminatoire? Alors, moi je vais en faire une lecture, on pourra discuter d'autres régions, positive. Déjà, il faut toujours aller vers la victoire et pas cultiver la morosité. Ce que j'observe, déjà parlons de la candidate qui m'intéresse, Clémentine Autain, qui est à 10% dans les sondages. C'est un joli score qui peut, pourquoi pas, être en tête des listes de gauche que vous évoquez au soir du premier tour. C'est le 20 juin, il faut s'organiser pour aller voter. Merci à Public Sénat de rappeler l'importance de cette élection. Ceux qui m'écoutent, allez voter. Ceux qui peuvent donner un coup de main pour être assesseur, on a besoin. Il ne faudrait pas qu'une des victimes du Covid soit la démocratie. Deuxièmement, je reviens à mon sujet. Oui, Clémentine Autain peut être, pourquoi pas, en tête de ces trois listes de gauche. Nous sommes engagés, nous l'avons répété, à ce que nous sommes favorables à ce qu'elle fusionne. Et on peut avoir un second tour très ouvert, en vérité, où nous pouvons tous rassembler, être à plus de 30% et pourquoi pas aller battre Madame Valérie Pécresse. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de Monsieur Bardella. Moi, j'essaie de regarder les chiffres. La dernière fois, Monsieur Valorant de Saint-Just était à 18,5% Rassemblement National. Donc en réalité, Monsieur Bardella, qui a droit à des titres des fois de certains journaux expliquant que le RN progresse en Ile-de-France, à ce stade, je ne sais pas ce qui sortira des urnes, est dans un score assez classique de ce qu'est le Rassemblement National, anciennement Front National. Et moi, j'observe que au sein des listes écologistes, ce que nous portons, nous, avec Clémentine Autain, France Insoumise et nos amis communistes et le Parti Socialiste. Déjà, il y a un effondrement du Parti Socialiste. Ça, c'est une caractéristique politique qu'il faudra analyser. La candidate de Madame Hidalgo est au plus mal. Bon, alors, faudra analyser ça, mais ça peut peut-être dire quelque chose par rapport à d'autres débats. Et nous, on est... Ça veut dire quoi? Que ça va être un problème pour la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle? À mon avis, c'est-à-dire qu'on a... Écoutez, Audrey Pulvar, par ailleurs, que moi, j'apprécie beaucoup et à laquelle j'apporte mon soutien, notamment encore dernièrement, quand elle s'est fait menacer, intimider, on va dire, par Monsieur Darmanin Darmanin pour des propos qui sont quand même, on a le droit de tenir les propos qu'elle avait tenus en disant qu'elle avait vu des choses glaçantes et elle s'était fait menacer d'être traînée en justice. Mais bon, là, je veux dire, elle est sur un toboggan. Ouais. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est l'élément nouveau. Je rappelle que M. Bartolone, qui portait les couleurs du PS lors de la dernière élection régionale, était à 25%. Cette fois-ci, Mme Pulvar, qui est la candidate de Mme Hidalgo, est à 9%. À bon entendeur, salut. Peut-être que ça veut dire quelque chose. On analysera après. Moi, je me méfie de discuter trop, de débattre mais trop. Mais juste pour qu'on soit bien clair, Alexis Corbière, parce que vous nous dites que vous souhaitez le rassemblement des listes de gauche. Oui, on le souhaitait même dès le premier tour, les avis de certains. Et vous pensez que c'est Clémentine Autain qui sera en tête? Je le souhaite. Si jamais c'est Julien Bayou qui est en tête, parce qu'au moment, c'est les sondages. Eh bien, ce sera derrière Julien Bayou. Ça veut dire que vous rangerez clairement derrière Julien Bayou. Il n'y a pas de débat. Ah, mais clairement. Clairement. Non, mais je veux dire, on l'a dit clairement. Clémentine Autain l'a répété. On souhaitait même, avec Julien Bayou, pourquoi pas discuter de liste commune dès le premier tour. C'est eux qui n'ont pas voulu. Comme souvent, nos amis d'Europe Écologie Les Verts ne veulent le rassemblement que derrière eux. Le truc singulier, c'est qu'après, ils nous reprochent à nous, soi-disant la France Insoumise, d'être toujours... Mais eux, ne... bon bref, qu'importe. Là, il y a un premier tour. Moi, je trouve ça pas inintéressant. Faut observer, faut faire campagne. On fait campagne. D'ailleurs, au passage, on fera sans doute un meeting le 13 juin à Montreuil avec Clémentine Autain. Alors que vous avez peut-être suivi que le préfet nous avait dit qu'il était annulé. Ça aussi, c'est pas normal. Là, vous pourrez le refaire. A priori, tel qu'à l'heure où je parle, je croise les doigts. C'est plutôt en train de bien évoluer pour que cela ait lieu. Je le dis donc à ce micro. Il faut faire campagne. Nous, on n'arrête pas. On est tous les jours sur les marchés et on est aussi engagé. Peut-être que vous allez m'en parler sur cette belle législative. Et on va aussi, en parler pour terminer justement. On termine sur législative. Donc, tant pis. Je voulais vous parler de la sécurité des régionales, mais allons sur les législatives. Oui, quelles leçons tirées du premier tour de dimanche dernier? Et est-ce que vous êtes très inquiet de voir l'abstention record dans les quatre circonscriptions? Non, mais voilà, juste, on précise peut-être que le premier tour, c'est le Parti Socialiste contre la France Insoumise. Là, vous parlez sur les tour, quatre partielles qui ont eu lieu, vous parlez d'une, celle de Paris, d'accord. On va parler de Paris. Ben, d'accord, vous avez bien raison. Ah oui, l'abstention, hein, 15% de participation, bon, c'est ça le phénomène majeur. Mais au sein, après, de ceux qui sont allés voter, moi, je me félicite du fait qu'il y a mon ami Daniel Simonnier, qui est souvent une dirigeante de premier plan de la France Insoumise, qui est au second tour, qui progresse par rapport à la dernière fois, qui va se retrouver face à une candidate socialiste. Bon, là encore, qui a reçu d'ailleurs le soutien de La République En Marche. Bon, c'est assez clair. Je pense que ceux qui ont le cœur... Là, il y a deux projets, clairement. Le hollandisme qui revient avec cette candidate socialiste, c'est la dernière circonscription, la dernière députée parisienne. Mais ça peut être intéressant que ce soit... Quand vous voyez les communistes soutenir la candidate socialiste... Ben, je le souhaite. Je pense que les électeurs communistes se retrouvent dans la candidature de Daniel Simonnet, qui est celle qui est la plus proche évidemment de ce que pensent les communistes dans les luttes. Mais vous avez lu le communiqué du Parti communiste celui de la section du 20e arrondissement. Non, national qui invite ses électeurs à se rassembler derrière pour faire élire, je cite, les candidats de gauche les mieux placés dans les circonscriptions. Alors, c'est je pourrais ironiser que la candidate de gauche dans le 20e arrondissement, c'est Daniel Simonnet. Mais je vais être clair, je vais pas le dire, ça c'est une petite plaisanterie, mais je veux dire clairement, et j'arrêterai là parce que surtout, moi, je ne veux pas polémiquer, les communistes sont libres de leurs décisions. Moi, si c'était un communiste face à une candidate socialiste, j'appellerais à voter communiste très clairement. Voilà. Donc chacun, après, en tirera les conséquences. Je n'aurais aucune ambiguïté, je serais très clair. Pour moi, cette déclaration du Parti communiste. Non, mais je ne regrette rien. Maintenant, c'est une dynamique qu'il faut créer. Daniel le fait. Ce soir, il y aura Jean-Luc Mélenchon qui sera dans le 20e arrondissement à 17h20 pour soutenir Daniel Simonnet. On sera là. Et moi, toute la semaine, j'étais déjà allé. On va y aller. Elle peut gagner. C'est ça qui est intéressant. Honnêtement, c'est un événement politique. S'il y a une insoumise de plus à l'Assemblée nationale, le fait qu'il y ait une socialiste de plus pour s'abstenir sur beaucoup de textes, etc., me semble pas être quelque chose de majeur. Donc les amis, surtout, au-delà de ce que font les uns et les autres, il y a 15% de participation au premier tour, il faut que la participation augmente de manière générale. Moi je suis un républicain qui pense que le souverain c'est le peuple, il faut aller voter. Et je répète, chère Oriane, parce que vous le faites ici régulièrement, le 20 juin, élection régionale, on a besoin de gens, impliquez-vous, on a besoin d'assesseurs. Moi, je ne veux pas que cette élection soit aussi à minima, c'est ça qui m'inquiète. Et beaucoup d'appareils politiques se félicitent qu'il y ait une faible participation parce que leurs petits réseaux permettent d'obtenir des scores. Moi, je suis pour que le peuple vienne. Voilà, et rappelons-le, 20 et 27 juin, élection régionale. Et vous avez raison, on en parle beaucoup dans cette émission. On va continuer à en parler d'ailleurs tout de suite de ces régionales et ces départementales, mais je vous remercie d'abord, Alexis Corbière. Merci de m'avoir invité. D'être venu. Et on passe justement au club des régionales. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je voudrais commencer par ça, si vous permettez. C'est que ce soir, on est tout de même réunis pour commenter quelque chose, une élection à laquelle près de 70% des Français n'ont pas participé. Il faut quand même qu'on s'en rende compte. On peut continuer à faire finalement comme d'habitude. On en a déjà beaucoup bien. Parlé avant votre arrivée. J'en doute pas, mais comme je viens d'arriver, bien. Je me permets de le dire. L'abstention, c'est un message qui est politique. Voilà, c'est pas un à côté de la vie politique. Ça porte quelque chose. Et puis cette abstention, qui est déjà importante, gravissime, elle a été aggravée incontestablement et nourrie par les conditions particulières de l'organisation de ce scrutin. Ça a été une véritable débandade. On a vu la propagande électorale privatisée, qui a été très mal distribuée. Or, que voit-on ? C'est qu'en général, notamment dans les quartiers les plus populaires, soyons clairs, quand la propagande électorale n'arrive pas, on est assez mal au courant du fait qu'il y a une élection. Je crois que beaucoup de Français parmi les abstentionnistes, il y a ceux qui ont choisi de s'abstenir, mais je crois aussi pouvoir dire qu'à cette heure, parmi vos téléspectateurs, il y a des gens qui peut-être n'étaient pas au courant, en tout cas qui étaient très mal informés, qui tantôt ont reçu les bulletins de vote et les professions de foi d'une élection sur les deux, tantôt des plis incomplets, bref. Et tout ça, c'est la responsabilité du gouvernement qui n'a pas été capable de créer les conditions de l'organisation d'une élection qui donc, notamment de ce fait, est une élection sans le peuple. Et nous ne cessons de dire qu'il faut en finir avec les élections sans le peuple. Quand on parle de la nécessité de changer nos institutions, de passer une 6e République et que tout le monde nous regarde avec des yeux de Merlan Free comme si tout ça était folklorique, peut-être est-il temps de se rendre compte ce soir que ça a du sens. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Par ailleurs, il vous était loisible, avec votre argumentaire, vos professions de foi, là où on a pu les recevoir, de séduire les électeurs et de faire... Clémentine Autain a fait 10,5, elle aurait pu faire 12, 13, 14 ou 15. Un pays malgré tout démocratique, mais débat est ouvert. Mais convenez du fait que quand il y a une abstention massive, c'est notamment, et on le sait, les plus jeunes, les ouvriers, les employés qui s'abstiennent d'abord. On a quasiment, quand on regarde les résultats, une élection qui ressemble de plus en plus à un suffrage censitaire, où on a les plus sachants, les plus munis de moyens qui se déplacent pour voter et le grand nombre qui n'y participe plus. Soit pour des raisons politiques, soit parce qu'on n'y prête plus attention. Vous savez, il y a des gens qui ont théorisé, y compris parfois à gauche, que par exemple les quartiers populaires fallait plus s'en occuper précisément parce que les gens ne votent pas. Ben moi je pense que c'est une absolue nécessité et je pense aussi qu'on devrait maintenant s'interroger vraiment sur le fonctionnement des institutions et par exemple le fait de dire qu'on devrait avoir un seuil à partir duquel de participation on peut considérer une élection comme valide ou non. Thank you. mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Suivre cette conférence de presse que nous avons voulu organiser pour répondre à la tribune publiée par des généraux de deuxième section qui a été publiée dans Valeurs Actuelles. Et pour commencer cette conférence de presse, je passe tout de suite la parole à Jean-Luc Mélenchon et nous pourrons ensuite enchaîner sur des questions. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, aux journalistes qui ont accepté de répondre à notre invitation. Ils sont présents, si j'ai bien compris, dans un circuit Zoom, c'est-à-dire ils ne sont pas en présentiel. L'un d'entre eux, cependant, est présent dans la salle, au siège, et c'est lui qui collectera les questions qui sont posées et les répercutera à la suite de mes propos. Alors c'est la deuxième circonstance un peu particulière, c'est que moi-même non plus je ne suis pas dans la salle, pour la raison que je me suis placé en septaine depuis mon retour en Bolivie, de Bolivie, pour la raison que j'ai mis en œuvre, j'applique les consignes de sécurité qui sont recommandées dans le cas où l'on rentre de loin, et là je rentre de très loin. Ensuite, l'autre circonstance particulière, c'est que Bastien Lachaud, qui lui est député de Seine-Saint-Denis et notre commissaire chargé dans la commission de la défense du lien avec le mouvement insoumis et avec l'ensemble du groupe, répondra aux questions qui seront posées en présentiel. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris le dispositif. Il est lié aux circonstances. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui le 26. Et les faits dont nous avons à traiter ce soir ont été commis le 21. Le 21, le journal hebdomadaire Valeurs Actuelles a publié un texte signé par un millier de militaires à la retraite, dont une vingtaine de généraux à la retraite. Alors vous me direz, ils ne sont que 20, ceux-là, en effet, ça n'est pas beaucoup par rapport aux 5600 généraux à la retraite qui étaient répertoriés en 2016. Bien. Ce texte est publié le 21, et le 21, c'est l'anniversaire du putsch des généraux Fellon en Algérie. Ce texte appelle, lui aussi, après une dénonciation extrêmement malsaine, avec des propos extrêmement violents, moitié allusifs, mais d'une manière générale, désignant clairement les habituelles obsessions contre les musulmans qu'ont les gens de l'extrême droite, telles qu'elles se manifestent d'une manière maintenant constante et à visage découvert, sans être jamais réprimées. Et ces gens, s'ils s'étaient contentés de dire leurs habituelles sottises et de jeter leur habituel venin, peut-être que on s'en serait contenté de s'en remettre à, on se serait contenté de s'en remettre à la désapprobation du public et on en serait resté aux tweets que nous avons faits, aux posts Facebook que nous avons déposés, aux communiqués que nous avons faits depuis la date du 21. Néanmoins, je veux dire que j'ai été un peu surpris de ne pas trouver davantage de monde pour protester contre un tel document. C'est la première fois que dans un pays civilisé, et depuis les événements que j'ai évoqués il y a un instant, qui sont ceux de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire il y a tantôt 50 ans, qu'on voit en France des militaires à la retraite intervenir en groupe pour appeler leurs collègues d'active à intervenir pour rétablir je ne sais quelle fumeuse valeur civilisationnelle dont ces gens-là se réclament. Au contraire des valeurs de la République dont nous nous réclamons et qui ont force de loi et qui ont force d'obligation pour tout le monde et encore plus pour des militaires fussent-ils à la retraite dont c'est le devoir de servir et d'obéir sans discuter ce que sont les consignes que donne la République à tous ceux qui ont la charge de la représenter, quelle qu'en soit la forme. Alors, pourquoi est-ce grave ? D'abord pour ça, pour le fait qu'un tel attroupement ait été possible, et je signale qu'à cette heure, la collecte des signatures continue. Elle continue sur un site qui, en plus, n'a pas fait les démarches légales de dépôt des indications qui sont obligatoires et légales. Si bien que sur ce sujet aussi, il y aurait matière à intervenir. Nous le faisons. Mais pour que vous compreniez bien, avec toute la gravité qui est celle d'une telle situation, de quoi nous parlons ? Je voudrais vous dire qu'il existe un article du Code pénal qui d'abord nous fait obligation à nous, parlementaires, à nous, qui que nous soyons, qui sommes dépositaires d'une façon ou d'une autre de l'autorité publique, nous fait le devoir, c'est l'article 40, de dénoncer ces faits à l'autorité judiciaire. Et c'est ce que je suis en train de faire, notamment par cette conférence de presse, mais aussi par un document, une lettre que nous avons envoyée au procureur général au nom des 17 parlementaires nationaux de la France insoumise et des 6 parlementaires européens de la France insoumise. Nous accomplissons donc notre devoir qui nous fait obligation de dénoncer les manquements à la loi qui sont faits et qui sont portés à notre connaissance. Quel manquement ? Il s'agit ici d'un article du Code pénal, l'article 413.3, pour ceux qui sont très curieux de la chose juridique. Cet article dit « Le fait de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Ce qui signifie que non seulement sont considérés comme responsables ceux qui ont appelé les militaires d'active à intervenir contre les autorités républicaines pour rétablir je ne sais quel ordre, mais aussi ceux qui ont publié le texte. Ensuite, comme vous le savez, tout ça intervient dans un climat assez spécial autour de ce journal qui semble s'être donné pour objectif de déclencher une telle insurrection. Le journal a publié à la une un appel d'un ancien ministre, député, Monsieur De Villiers. Et Monsieur De Villiers, en pleine page, dit « J'appelle à l'insurrection ». Cette attitude est elle aussi à dénoncer, car elle fait l'objet de sanctions du Code pénal. Toujours pour les curieux de choses juridiques, il s'agit de l'article 412-4 du Code pénal. Il dit « est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel ou de provoquer des rassemblements d'insurgés par quelque moyen que ce soit. En tout état de cause, à l'article 412-6 du Code pénal, il est dit « Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende. Il est interdit par la Constitution française d'attenter à la forme républicaine de l'État. demander à des militaires d'actifs d'intervenir contre la population revient à remettre en cause la forme républicaine de l'État. Il s'agit donc de fait d'une gravité exceptionnelle qu'il ne faut pas minorer. Rappelez-vous, je vous prie, lorsque pour des réunions, le syndicat étudiant tenait des réunions qui étaient des réunions closes à tel ou tel type de discriminé, l'affaire que ce fut, comme on a dénoncé sur tous les tons et des heures durant et sur tous les chaînes d'information, cette attitude. Et là, nous avons affaire à des militaires qui appellent d'autres militaires à l'insurrection. À partir de quoi ? Je demande qu'on y réfléchisse. L'image que nous donnons, la gravité des faits et surtout l'escalade. Car de semaine en semaine, on voit ainsi se multiplier des appels. Et à cet instant même, la collecte des signatures continue. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que ça attente à la forme républicaine de l'État, et ce n'est pas acceptable parce que ça donne de l'armée une image totalement déformée. Et ça crée à l'intérieur des armées des relations tout à fait inacceptables entre une petite poignée d'exaltés et le très grand nombre qui est fermement attaché à la République, qui respecte scrupuleusement le devoir de réserve et donc condamné au silence, tandis que les autres donnent de notre organisation militaire une image aussi lamentable avec laquelle l'armée ni la République n'a rien à voir. Il faut donc que soient châtiés les coupables. Et nous demandons le châtiment des coupables. Nous demandons que le garde des Sceaux fasse son travail, qui se tient étrangement muet depuis 5 jours. Voici donc 5 jours qu'un journal a publié un appel de militaires à la retraite appelant des militaires d'actifs à intervenir dans la vie politique du pays, et le garde des Sceaux n'a toujours rien fait. Ni lui, ni le procureur général auquel nous nous adressons par une lettre. Lui qui se montre d'habitude bien plus prompt à ouvrir des enquêtes préliminaires pour un oui, pour un non, contre les opposants politiques au président de la République. Par conséquent, cette fois-ci, il pourrait procéder à un autre type d'activité qui serait de s'occuper sérieusement de l'intérêt général et de la forme républicaine de notre État. Nous demandons que le procureur général engage des poursuites contre le site où a lieu la collecte des informations et qui n'a pas respecté les informations légales, si bien que nous ne pouvons pas le poursuivre ni intervenir. Nous demandons que les services de renseignement des armées, dont 2 retraités signent ce texte, passent au crible la liste des gens qui signent pour qu'on sache qui est d'active et qui est réellement à la retraite. Parmi ceux qui sont d'active, nous demandons, s'il en est, qu'ils soient immédiatement radiés des cadres de l'armée. Exactement. Comme l'a été dans le passé, je crois, le premier signataire du document publié par Valeurs Actuelles, qui lui-même a été radié des cadres de l'armée en raison de ses activités politiques d'extrême droite. Donc, on est puni ses pensées d'extrême droite ou même son opinion politique d'extrême droite, puisque l'opinion est libre en France, mais ses activités. Nous demandons que tous ceux qui ont eux-mêmes signé qu'ils étaient en fonction dans la réserve soient radiés de la réserve. Que les primes afférentes à ces réserves pour les officiers ne leur soient pas versées. Et si le ministre des Armées avait la bonne idée de s'occuper de l'armée plutôt que de polémiquer avec Madame Le Pen sur le sujet de l'armée, elle pourrait intervenir pour montrer aux uns et aux autres ce qu'il advient à ceux qui ne respectent pas la logique de la forme républicaine de nos armées et de notre État. Il faut que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire soient punis, de manière à ce que l'on sache fermement que dans notre pays, ce type d'activité n'est pas accepté. Et il est temps, maintenant pour moi, de le dire. Je ne veux pas qu'en laissant passer, on finisse par laisser penser que tout est possible, car non, tout ne l'est pas. Je ne veux pas qu'en laissant passer, finissent par s'installer ce que nous avons connu naguère de la police. C'est-à-dire qu'une poignée d'excités, d'extrémistes, s'emparant de tous les leviers de la parole, finissent par impressionner et intimider tous les autres, au point de leur interdire de s'exprimer, comme nous l'avons vu, lorsqu'ont été révoqués des policiers républicains, tout simplement parce qu'ils protestaient contre cette ambiance, et je pense à cet instant au policier Alexandre Langlois et à son collègue. Non, nous ne laisserons pas faire. Et j'en appelle, par la forme qu'ils jugeront la plus adaptée, aux militaires d'active pour qu'ils interviennent auprès de leurs collègues, de leurs camarades, de leurs compagnons, pour leur dire non, pas ça. Pour leur dire ce qu'ils sentent tous lorsqu'ils sont en contact avec des collègues ou des camarades d'engagement, que quelque chose ne tourne pas rond dans leur esprit, les aider à revenir dans le droit chemin du respect, de l'obéissance due et du partage des valeurs républicaines qui nous unissent. Je ne veux pas, ni aucun de mes camarades ne veut, qu'on laisse aller plus loin cette ambiance épouvantable que l'on voit se répandre. Ou, tandis que d'un côté, on ne cesse de montrer du doigt telle ou telle composante de notre nation, de l'autre, des gens s'organisent de manière factieuse. On a vu ce que cela a donné dans la police. On a vu les mêmes policiers venir tenir deux sièges devant le lieu de notre mouvement. Nous avons vu ces policiers menacer des magistrats. Nous les avons vus se présenter armés au pied d'une chaîne de télévision. Ça suffit. Ces comportements où on abuse de la puissance publique qui vous a été attribuée ne doivent pas contaminer progressivement toutes les autorités du pays. Il est temps que ceux qui en ont la charge, rétablissent le devoir d'obéissance et de réserve qui s'impose à toute autorité de cette nature. Voilà ce que je veux dire avec la plus grande fermeté. Et en même temps, puisque j'ai vu qu'un certain nombre de personnalités ont pris position dans cette affaire, j'en appelle à ce qu'enfin on puisse organiser, parmi notamment cette gauche traditionnelle, mais avec tous ceux qui s'y retrouveraient, une marche des libertés dans notre pays. Nous sommes en train de déraper, tout ça va beaucoup trop loin. Les habitudes normales, ordinaires, de la polémique ou du débat, fût-ce sur les questions de sécurité nationale, sont normales, sont logiques. La contradiction des points de vue est tout à fait normale et même salutaire dans une démocratie. Mais ce qui ne l'est pas, c'est d'utiliser la force publique contre ceux qui ne sont pas de votre avis, ou d'en appeler à ce que cette force soit utilisée contre ceux qui ne sont pas de votre avis. Voilà ce que je veux dire, et j'essaie d'y donner la gravité que la situation requiert. Tout cela est allé déjà beaucoup trop loin. Il est temps de calmer le jeu. Il est temps de faire baisser le ton de ce qui est en train de se faire, de se nouer, de se tramer ici et là. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes une démocratie. Nous sommes une république. Et des choses qui sont d'ailleurs interdites par la loi. Et c'est pourquoi je demande que la loi soit appliquée. Elle l'est quand il le faut, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, et parfois avec une fermeté qui a surpris. Je pense par exemple aux 800 gilets jaunes qui ont été envoyés en prison après les manifestations. Et par conséquent, ce serait anormal, ce serait insupportable, que tandis que les uns sont saisis et immédiatement envoyés en prison, d'autres puissent organiser et tramer tranquillement des complots sans que personne n'ait rien à dire. J'ajoute que j'ai trouvé particulièrement choquant, et je suis sûr que beaucoup de ceux qui m'écoutent l'ont trouvé également choquant, que Madame Marine Le Pen, qui, comme moi, est candidate à la présidence de la République, c'est-à-dire à exercer la fonction d'autorité que cette présidence, dans le cadre de la Ve République, inclut, que quelqu'un qui est candidat à cette fonction appelle des militaires, félicite des militaires à la retraite, qui appelle des militaires d'actifs à l'irresponsabilité de l'intéressé. Je dis les choses comme elles sont, avec des mots bien crus pour que chacun m'entende. Il ne faut pas croire que nous allons laisser une poignée de personnes progressivement contaminer toutes les autorités et créer de cette manière des situations irréversibles. Le garde des Sceaux doit intervenir. Nous faisons un signalement au titre de l'article 40 auprès du procureur général, M. Rémi Hetz. Nous demandons à Mme Parly de mettre en action le service de renseignement des armées pour savoir qui, parmi ceux qui signent, sont d'actifs ou qui forment d'autres groupes, ici ou là, sur Facebook pour tenir des propos qui ne sont pas compatibles avec l'idée que nous faisons d'une armée républicaine. Je lui demande de nous dire où elle en est, de la sanction de ceux qui s'étaient infiltrés dans l'armée et qui organisaient des petits attroupements de nazillons. Ont-ils été expulsés des armées ? Y en a-t-il d'autres ? Les enquêtes ont-elles eu lieu ? Bref, les militaires eux-mêmes doivent faire le ménage en disant qui est responsable de quoi quand il vient à leur connaissance que de telles activités ont lieu. Et enfin, pour notre honneur à tous, je demande à ceux qui en particulier ont confiance en moi ou se retrouvent dans les prises de position que la France insoumise exprime, de ne pas confondre cette poignée d'agités qui sera punie avec l'armée de la République, qui pour l'essentiel est fidèle à ses obligations à l'égard du pays et qui, contrairement à ce que racontent ces petits factieux, comporte dans ses rangs nombre de ces jeunes gens venus des cités qu'il dénonce et nombre de ces musulmans qu'il montre du doigt. Par conséquent, pour notre honneur collectif, pour l'honneur de la République, il est temps que le garde des Sceaux et la ministre des Armées se réveillent et fassent le travail pour lequel ils sont mandatés, qui est de rappeler au devoir de réserve et d'obéissance de ceux qui seraient tentés de s'en dispenser. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis prêt maintenant à répondre, mais je trouve qu'il est plus commode que mon collègue Bastien Lachaud, qui est devant vous, le fasse. Aussi bien, nous nous répartirons, s'il le faut, les réponses à vos questions. On va prendre les premières questions. Oui, bonjour, Pierre de Violet pour Paris Match. Vous avez souligné le silence de l'exécutif sur cette affaire, hormis la prise de parole de la ministre des Armées. Comment est-ce que vous comprenez ce silence suite à cette affaire ? Je lis comme une faiblesse. Je crois que nous avons déjà vu comment ça s'est passé avec la police. Progressivement, croyant bien faire et se dispenser de toutes sortes d'inconvénients, les ministres de l'Intérieur ont fini par lâcher les rênes aux plus excités, qui par ailleurs dirigent ce que l'on appelle des syndicats et que pour ma part je considère comme des organisations factieuses compte tenu des actes qu'ils ont posés. Je l'interprète comme une coupable faiblesse. Si coupable qu'elle deviendrait criminelle si elle devait durer. Le président de la République est le chef des armées. C'est la constitution de la Ve République qui prévoit ça. Il doit donc maintenant accomplir son devoir de chef des armées. Il sait comme moi que l'armée n'est pas sur ses positions. Et par conséquent, il n'y a rien à craindre à sanctionner ceux qui se comportent de cette manière que je viens de dénoncer. Au contraire, nombre de militaires applaudiront qu'enfin on distingue ces agités d'eux qui sont sur le terrain, sur le front pour un certain nombre d'entre eux, au nom de nous tous, par un devoir d'obéissance auquel évidemment ils doivent s'astreindre en toutes circonstances. Je l'analyse donc comme une de ces innombrables faiblesses qui sont à la limite de la quintance par lesquelles le nombre dernier est de Maurras, puis d'avoir pris toutes sortes de lois. Ah, je crois que l'image est coupée là. Non, ça revient ? Je ne sais pas. J'y suis ? Bon. Là, il est marqué que le pôle vidéo est coupé. Bastien, tu réponds si jamais je suis coupé. Hein. Bon, on t'entendait parfaitement. C'est bon, ça repasse ? Oui, on t'entend. Il y a eu une petite coupure. Hein. Bon, voilà. J'ai répondu pour l'essentiel que j'y vois aussi le signe de cette sorte d'inclinaison. C'est coupé à nouveau. Vas-y, Bastien, réponds. Bon, je pense que la réponse était claire. Vous avez d'autres questions, j'imagine. Et vous envisagez pas du tout maintenant que le ministère de la Justice ne donne pas suite à votre demande. Bah, écoutez, ça sera de manière là, c'est au procureur maintenant d'agir. Bien évidemment, il faut que le ministre de la Justice donne des consignes claires au procureur de poursuivre, non pas ces personnes en particulier parce que ce n'est pas son rôle, mais de donner des directives claires sur l'ensemble des personnes qui pourraient mener des agissements séditieux et factieux et donc des consignes générales très claires, car aujourd'hui, il serait incompréhensible que de tels faits ne soient pas poursuivis et condamnés par la justice de notre pays. Très clairement, les militaires à la retraite ou d'actives qui auraient signé ce texte se trouvent en dehors des clous de la loi, en dehors des clous de leur engagement à servir et doivent à la fois être poursuivis pénalement, mais également être sanctionnés administrativement par le ministère des Armées dont ils dépendent et doivent être radiés des armées. Donc les deux sanctions doivent être menées, à la fois les sanctions pénales, et c'est pour ça que nous avons saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, mais également des sanctions administratives internes au ministère des Armées qui doivent être menées. Et ça, c'est à Florence Parly de les diriger. Et en dehors de cette action proprement judiciaire, est-ce qu'il y a une mobilisation politique que vous souhaiteriez mettre en œuvre sur cette question ? Oui, je vois que je suis rétabli, Bastien. Excuse-moi, je surgis dans ton dos. Oui, bien sûr, mais je veux distinguer les deux choses. La première relève des responsabilités du président de la République, chef des armées, de la ministre des Armées, c'est quand même le minimum qu'elle s'intéresse à l'armée. Et troisièmement, laquelle armée n'est pas une administration comme une autre. Hein. Elle nécessite des soins particuliers, nous le savons tous, compte tenu des engagements qu'elle a en notre nom. En ce moment, des gens sont engagés sous l'uniforme dans des situations de guerre. C'est le cas notamment au Mali, pour ne citer que cet endroit. Bien. Donc ça, c'est une responsabilité particulière. Et le garde des Sceaux, parce que le garde des Sceaux étant celui qui donne ses consignes au procureur général, qui sont des orientations générales, je n'ai pas entendu dire que récemment, le garde des Sceaux ait donné des consignes pour ne plus s'occuper des appels à l'insurrection. Bon, je le dis à moitié par plaisanterie, mais donc il doit tenir son rôle. Et son rôle prévoit que ce ne soit pas à nous, au bout de 5 jours, de porter plainte devant le procureur général, c'est à lui de le faire et de dire « Vous ne pouvez pas laisser passer de telles infractions au code pénal. » Voilà. Pénal qui anticipe et qui soutiennent les valeurs que nous défendons, qui sont là des valeurs assez communes, des valeurs républicaines que dans certaines circonstances de la vie de la patrie, on s'est tous retrouvés au coude à coude pour défendre. Eh bien, que l'on organise cette marche des libertés à laquelle, pour ma part, avec mes camarades et d'autres, j'appelle déjà depuis plus d'un mois, parce que voilà plus d'un mois que nous savons que la situation, au total, finit par dégénérer entre les appels des uns, les soutiens de Madame Le Pen, les actes qu'oppose le gouvernement, les phrases irresponsables qui ont été tenues dans l'hémicycle tout au long de la loi prétendant lutter contre je ne sais quel séparatisme. Bref, contre cette ambiance, l'affirmation d'une respiration républicaine du pays. Voilà ce que je souhaite pour ma part, et je demande au minimum à la gauche traditionnelle de s'impliquer dans cette histoire, de ne pas regarder tout ça se dérouler sans rien faire. J'ai noté avec intérêt que l'un ou l'autre déjà ont pris opposition. Je ne montre du doigt personne, à part ceux qui restent muets, évidemment, d'une manière tout à fait incompréhensible. Alors nous avons une question de Sophie Delpont pour France Culture qui vous demande pourquoi est-ce que cette lettre n'est signée que par des députés de la France Insoumise. Est-ce que vous avez tenté de proposer à d'autres élus ou formations politiques de se joindre à cette initiative ? Je propose qu'on s'épargne ce genre de petites intrigues internes. Nous avons pris cette position parce que nous pensions que c'était le moment de le faire, on est en début de semaine, et nous nous sommes rapidement concertés entre nous, entre ce matin et cet après-midi. Il va de soi que nous ne demandons pour nous aucune espèce d'exclusivité dans la capacité de répondre à la situation. Et d'ailleurs, je suis sûr que outre ceux qui se sont déjà exprimés et qui ont bien fait de le faire et de le faire sans attendre, eh bien, nous serons entendus et que les uns et les autres, nous allons nous concerter. Je propose qu'on ne rabaisse pas une situation comme celle-là à l'habituelle tambouille dans laquelle se complaisent un certain nombre de commentateurs qui refusent de voir. Vous m'avez entendu jusqu'au bout ? Quasiment, quasiment. On s'est arrêté aux commentateurs, mais je pense que l'essentiel avait été compris. Vous pouvez terminer la phrase à ma place. Alors, nous avons deux questions de Anne-Sora Dubois pour BFM TV sur un autre sujet. Donc, sur l'attentat de Rambouillet et la loi antiterroriste présentée par Gérald Darmanin en Conseil des ministres ce mercredi. Comment... à votre collègue, ce n'est pas le sujet et le moment venu, on s'exprimera sur cette question. Pour ce qui est de l'attentat de Rambouillet, tout le monde l'a fait et pour la loi, nous verrons. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je demande que l'on accepte de prendre au sérieux la dénonciation que nous faisons devant le procureur général contre 1000 militaires à la retraite qui appellent leurs collègues d'actifs à intervenir dans la vie publique. Soutenu par une candidate à l'élection présidentielle et renforcé par un appel à l'insurrection d'un ancien ministre bien connu dans notre pays. C'est un sujet suffisamment grave pour qu'on accepte d'y concentrer quelques instants de notre attention à tous. En attendant, nous, c'est le point de départ aussi d'une mobilisation que nous souhaitons. Non, j'en suis désolé, moi je ne parlerai pas d'un autre sujet à cet instant parce que le sujet sur lequel nous avons proposé et invité à cette conférence de presse, c'est le problème particulier que je viens de soulever. Trois articles du Code pénal, une inaction absolue du chef des armées, un silence incroyable du garde des Sceaux et un babil sans conséquence de la part de la ministre des Armées. Il y a d'autres questions sur le sujet ? Bon, écoutez, sinon, nous allons vous remercier tous les journalistes qui ont suivi cette conférence de presse. Ainsi que tous ceux qui l'ont suivi en direct sur nos réseaux sociaux. Et nous vous remercions et passez une bonne soirée. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. El Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Alors, commençons par la presse, la vraie presse, c'est-à-dire les journaux qu'on reçoit voilà, locaux. Mercredi 16 juin 2021, Vosges Matin, procès Sarkozy nie tout emballement de sa campagne en 2012. Sarkozy nie tout emballement de sa campagne en 2012. Face au tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a assuré qu'il n'avait aucun moyen de savoir que sa campagne présidentielle de 2012 dérapait financièrement. Hein? Et vous avez voté pour un individu comme ça? Eh ben. Ah, c'est dur d'être citoyen actif et vigilant. Économie, transport scolaire, soupçon sur l'attribution des marchés. Un signalement vient d'atterrir sur le bureau du procureur de la République de Nancy, François Perrin. AC, deux points d'exclamation. Une toute nouvelle association anticorruption a été sollicitée par plusieurs lanceurs d'alerte à propos des appels d'offres lancés par la région Grand Est concernant les transports scolaires. D'après nos informations, dit le journal, l'association affirme, document à l'appui, que cette cadre serait partie prenante dans les discussions avec les transporteurs et donc également dans l'attribution des marchés publics. Eh oui, on est gouverné par des gens très bien, très honnêtes, eh oui, et c'est nous qui les élisons. Il faut quand même qu'on soit con, hein. Ah là là là là. Enfin bref, tendre la corde pour être pendu, c'est vraiment pas malin. Les électeurs, vraiment, hein. Bon, les électeurs, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont tellement mal informés, hein, qui, ben, forcément, ils réagissent mal. Eh oui. Voilà, les Vosges ne seraient pas le seul département concerné par cette affaire. Il y aurait aussi les Ardennes, la Marne, la Meuse et le Bas-Rhin. Ces derniers jours, nous nous sommes déjà fait l'écho des inquiétudes de certains transporteurs vosgiens qui, suite aux nouvelles attributions de marché, ont perdu l'exploitation de nombreux services de transport scolaire dans le cadre du dernier appel d'offres, etc., etc. Voilà, les affaires. Et c'est nous qui payons tout ça, tout le temps. On paye grassement des gens que l'on élit pour faire une politique qui nous est carrément défavorable, qui devrait être totalement impopulaire. Mais voilà. Être populaire, bon, c'est pas forcément, hein. Oui. Bon, c'est comme ça, quoi. Pauvreté et la famine, loin d'être éradiquées. Ah. Des millions de personnes sont dans le monde menacées de mourir de faim. Une situation aggravée par l'épidémie de Covid-19. Ouais, le Covid-19, il a le dos large, hein. On lui a remis sur le dos au Covid-19. Il y a beaucoup de saloperies qui existaient avant le Covid-19. Nos responsables politiques sont bien responsables de tout ça. Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, distingué en 1944 par le général de Gaulle pour son engagement de la première heure, Hubert Germain est aujourd'hui le dépositaire de toute la mémoire des compagnons. Eh oui, bientôt. Justice, Big Malion, prison ferme requise contre Sarkozy. Eh oui, c'est écrit dans le journal, hein. Vendredi 18 juin 2021, Vosges Matin, prison ferme requise contre Sarkozy. Au procès Big Malion jeudi, l'accusation a réclamé une peine de 1 an de prison, dont la moitié avec sursis, ainsi que l'amende maximale à l'encontre de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État est jugé avec 13 autres prévenus pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Et des faits aussi graves, et peut-être même plus graves encore, il y en aurait à découvrir sans doute. Hein. Mais bon, voilà. Bon, les politiciens de métier, les journalistes de métier n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Ah hein, oui, mettre les mains dans la merde, c'est se salir, hein. Ah ben oui, ça sent pas bon, et c'est sale, et c'est pas beau. Ah, la politique. L'autorité de régulation des transports préconise une modulation tarifaire pour fluidifier le trafic et rendre l'autoroute plus accessible. Mais les concessionnaires font la sourde oreille. péage, jusqu'à 250 euros de chèque vacances. Hein, quel beau monde, hein, quel beau monde on vit. Ah, on peut être fier de nous, hein, les électeurs. Ah oui, on a mis en place des gens qui nous font, qui font notre bonheur. Oui. Qui préparent le bonheur de nos enfants, de nos petits-enfants. Oui. Parce que les générations qui viennent derrière nous, elles vont déguster, hein. Les centrales nucléaires, même fermées, resteront dangereuses pour les générations à venir. Hein, les stocks de d'uranium, de plutonium et toutes les saloperies là, de ce genre-là, ben elles resteront très dangereuses pour les générations à venir encore. Les prix à la pompe ont augmenté en moyenne de 20 centimes en un an à cause de la hausse du baril de pétrole. Oui, hausse du baril de pétrole. Nos gouvernants n'y sont pour rien. Non. On a très bien voté, ça fait 50 ans qu'on vote admirablement bien. Nous votons, nous sommes responsables, nous autres électeurs, de la situation actuelle. Et oui, faut se regarder dans la glace, et puis voilà. Hein. Vol Sarrebruck-Reims, première mondiale à l'essence d'origine végétale. Ah, le premier vol transfrontalier d'un avion alimenté par carburant renouvelable à 97% a été effectué hier entre Sarrebruck et Reims, avec des voltiges en prime. L'exploit technologique est signé de deux entreprises, l'une implantée dans le Grand Est, l'autre en Allemagne. Ah, il y a une liste qui s'est présentée pour la région Grand Est qui s'appelait Unserland. Ah, Unserland, das ist französisch, natürlich. Saint-Dié-des-Vosges, l'hôpital Saint-Charles veut se rapprocher du CHU de Nancy. Ah ben oui, ben faut raccourcir la route un peu. Et on coupe un peu une bande de goudron de temps en temps, et puis la route est plus courte. Eh oui, mais bien sûr, on est bien gouverné. Vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être le paradis sur terre bientôt grâce à nos élus. Les fonctionnaires manifestent pour le dégel salarial à Épinal. Ah, dégel salarial. Alors, tiens, un enregistrement sur je ne sais plus quelle chaîne. Luc Ferry. Luc Ferry, 3000 euros de retraite, emprunt 200 000 euros. Sa fille est à l'école hôtelière de Lausanne. Alors, ça coûte cher, les études à l'école hôtelière de Lausanne. N'y a-t-il pas d'école hôtelière en France? Cet ancien ministre met sa fille dans une école hôtelière privée à l'étranger. François Morel a fait un petit discours qu'il a intitulé « Ferme ta gueule, Luc Ferry ». Il parle du chômage et des 4 499 euros par mois de ce monsieur Luc Ferry, ancien ministre, ancien politicien de métier. Eh oui, il y en a qui font carrière dans la politique. Eh oui, et qui gagnent bien leur vie du temps que vous gagnez le SMIC. Hein, ou que vous êtes au chômage. Eux, ils gagnent bien leur vie, ces gens-là. Eh oui, enfin, gagner, c'est façon de parler. Hein, voilà, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent pas mal d'argent pour ce qu'ils font. Hein. Alexandre Dumas répondant à une remarque raciste. Au fait, cher maître, vous devez bien vous y connaître en nègre, lui demande-t-on. Mais très certainement, répond Alexandre Dumas, mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre, et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Ah, ben oui, Dumas, il était vache. Hein. Eh oui, mais il avait ses raisons quand même. Hein. Oui, parce que des imbéciles, à l'époque-là, il y en avait déjà beaucoup. Hein. Maintenant, ils sont pas majoritaires, les imbéciles, mais ils sont très nombreux quand même. Hein. Ben, surtout que... On a de moins en moins d'excuses d'être bête comme on est, de voter aussi mal que l'on vote. On, indéfini. Hein. Macron, le malfaiteur, relaxe pour les 7 militants antinucléaires. 50 procès, 30 perquisitions, 85 000 conversations et messages interceptés, 26 interdictions de territoire, un escadron de gendarmes sur place au quotidien. Un escadron de gendarmes sur place au quotidien. Une enquête à 1 million d'euros. Et aujourd'hui, devant le tribunal de Bar-le-Duc, 7 militants et militantes en procès pour, entre guillemets, association de malfaiteurs. Ce ne sont pas des malfaiteurs, ce sont des gens qui militent, comme le droit, la constitution, la morale nous incite à le faire, contre le nucléaire, contre les conséquences néfastes du nucléaire. Ce procès marque le paroxysme du laboratoire répressif à Bure contre les militants qui refusent que leur territoire devienne une poubelle nucléaire. En réponse, une magnifique et historique mobilisation créative devant le tribunal de Bar-le-Duc. Ici, on invente le renouveau de la lutte antinucléaire. Entière solidarité avec les prévenus. Entière solidarité avec les prévenus. Ben oui, bien sûr, nous autres électeurs conscients, intelligents, honnêtes, nous votons contre toute cette saloperie-là, bien sûr. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous aimaient maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Mais que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelle Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécent. Alors, des informations, on en reçoit par le journal, puisqu'il n'y a plus qu'un journal. Hein? Ah oui. Alors, mais il y a aussi Internet. Et par Internet, par exemple, on reçoit des messages comme celui-là. Jean Castex, à propos de la gifle reçue par Macron, deux points, ouvrons les guillemets, la démocratie ne peut tolérer la violence, fermons les guillemets. Et en dessous, il y a une photo de deux gilets jaunes, l'un montrant son œil éborgné, hein, son œil qui a été détruit par une grenade par la police, et l'autre montrant son bras avec la main qui a été arrachée. Voilà. La démocratie ne peut tolérer la violence, il dit, monsieur Castex. Ah, on a voté pour lui, ce monsieur Castex, là. Oh ben, il y a sûrement qui ont voté pour lui, hein, une fois ou l'autre. La France populaire n'est pas suffisamment mise à l'honneur. Sophie Davant. Voilà. Sophie Davant, ça fait des années qu'elle fait de la télé et elle a découvert ça. La France populaire n'est pas suffisamment mise à l'honneur. Ben, bien sûr. la victoire du clan ultra-conservateur. C'est pas en France, c'est en Iran. En Iran. Bon, le clan ultra-conservateur, il a passé le cap des élections en 1932, où ils ont fait 24%. Puis en 1933, où ils ont fait 43%, à peu près, c'était les nazis. Les nazis, ils ont été mis au pouvoir par les élections. Par les bulletins de vote. Eh oui. Ils ont été élus parce que la loi électorale allemande prévoyait non pas que le parti qui devait arriver au pouvoir, c'était le parti qui aurait eu plus de 50% des voix. Non, là, c'était le parti qui arrivait en tête. Eh oui. Les nazis, Hitler et toute sa fripouillerie, toute sa saloperie sont arrivés au pouvoir parce qu'il y avait beaucoup de chômage en Allemagne. Il y avait beaucoup de misère en Allemagne dans ces années-là. Eh oui, le peuple en a eu ras-le-bol. Il a voté en tirant la chasse. Hein, eh oui, il a tiré la chasse. Il a subi les conséquences. Une guerre mondiale, 60 millions de morts, dont 10 millions d'Allemands. C'est-à-dire un Allemand sur 10 est mort des suites de la guerre. Ah oui, les bombardements, les combats un peu partout, etc. Oui. Voilà. Bon, alors le chômage, c'était en Allemagne, dans les années 30. Entre 1920 et 1930, le chômage, la misère n'ont pas arrêté de croître en Allemagne. Il y avait de plus en plus de gens qui mouraient de faim en Allemagne dans ces années-là, avant qu'ils ne votent pour les nazis. Eh bien, en France, c'est pas le cas du tout. Non, en France, nous avons que 7 millions de chômeurs pour 67 millions d'habitants. Hein? Donc, il n'y a pas de danger que les gens y votent comme les Allemands ont voté en 1933 en Allemagne. Non, non, non, non, toute ressemblance est... Non, mais non, pas du tout, aucune chance. Parce que d'ailleurs, les Français, ils n'auraient pas l'excuse qu'avaient les Allemands de l'époque. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, on en a parlé quand même. On en a parlé à l'école, on en a parlé dans les journaux, dans les télés. Hein, on sait tous quelles sont les conséquences du vote pour les nazis. Hein, pour les votes pour l'extrême droite. On sait que c'est très, très grave, que ça tourne au tragique très facilement. Hein. Alors, oui, je dis, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas tant que ça. Hein, la page, le dimanche 20 juin 2021, il y a un 16e de page à peu près, où il est question de la résistance. Hein, la marche, 18 juin 1940, la résistance a ajouté un imbécile en filigrane. Ça veut dire quoi? La résistance en filigrane. Quel est ce personnage-là? Est-ce que ce personnage-là, il aurait été résistant entre 1940 et 1945? Ou est-ce qu'il aurait été collabo? Hein? Ah oui, il y avait deux camps hein, quand même, il fallait choisir son camp. Résistant ou collabo? Dépôt de gerbe à la mémoire du général de Gaulle et des résistants. C'était à la marche. Voilà. Alors, quand même, une autre page. Dimanche 20 juin 2021, Dontaille, commémoré pour ne pas oublier la tragédie du 20 juin. En ce samedi 19 juin, hommage a été rendu à la vingtaine de soldats du 146e régiment d'infanterie de forteresse tombés sous les balles allemandes. Eh oui, y en a qui se sont battus pour empêcher les Allemands d'entrer sur le territoire français. Il y en a ensuite qui se sont battus pour les chasser. C'était des résistants. Eh oui, mais ces gens-là, on les a pas trop récompensés, pas trop honorés. Hein. Oh non. Il fallait faire des affaires, il fallait vite oublier. Mais oui, les collabos fachos, on les a oubliés. Delphine de Rouxelles, secrétaire générale de la CGT, l'emploi est évidemment l'une de nos priorités. Alors moi j'ajoute... Je remplace nos priorités, l'une de nos priorités, par notre priorité. L'emploi est notre priorité. Si l'emploi, le marché de l'emploi n'évolue pas, eh bien l'extrême droite se retrouvera au pouvoir en France. Eh oui, Français, il ne faudra pas venir pleurer après. Hein, ce sera de votre faute. 18 juin, l'étoffe des héros. Oh, quel beau titre. Bon, enfin, passons. Emmanuel Macron a remis la médaille de la Légion d'honneur à Hubert Germain et Léon Gauthier, seul survivant des troupes qui ont libéré la France en 1944. Ben, il était temps, hein, parce qu'ils sont quasiment centenaires, hein. Eh oui, oui, oui. Ah là là. Qu'est-ce qu'il aurait été, Macron, lui, à l'époque? Il aurait été résistant, vous croyez? Vous croyez qu'il aurait été résistant? Ah, moi je ne suis pas sûr. 1 million d'espèces menacées par une espèce de con. Ça c'est le chat. Le chat. Alors le chat encore. Qu'est-ce qu'il dit le chat? En lisant le journal, les gens croient apprendre ce qui se passe dans le monde. Ils croient apprendre ce qui se passe dans le monde. En réalité, ils n'apprennent que ce qui se passe dans le journal. Moi, je serais journaliste, je serais pas fier. Hein? Non, je crois que le formatage de l'opinion publique est quand même dû à ces gens-là. Hein? Eh oui, oui, si les gens ils votent un peu bêtes, c'est de la faute à quelqu'un quand même. Hein? Eh ben oui, problème d'information. Le 18 juin, Neuchâtel, l'appel à la résistance et aux retrouvailles. L'appel à la résistance du général de Gaulle lancé il y a 81 ans sur les ondes de la BBC a été honoré et commémoré vendredi dans la soirée au monument aux morts du square Michelet. Alors la BBC, qu'est-ce que c'était? Eh bien c'était une radio libre. Eh oui, elle était en dehors de la zone des combats en Angleterre. Elle pouvait informer les Français que cela intéressait. Oui, qu'il était quand même qu'une minorité, hein, faut pas... tout le monde n'était pas résistant, voyons, bien sûr que non. C'était trop... C'eût été trop inconfortable, hein. Oui. Ben oui. L'ordre et la sécurité. Saint-Maurice-sur-Moselle, l'appel du 18 juin commémoré pour le canton. La commune de Saint-Maurice-sur-Moselle a organisé cette année la cérémonie cantonale commémorant l'appel du 18 juin 1940. Voilà. Alors, et puis bon. Ensuite, le 30 avril 1871, Gustave Courbet écrit à ses parents, le peintre Gustave Courbet. Mes chers parents, me voici par le peuple de Paris, introduit dans les affaires politiques jusqu'au cou. Président de la Fédération des artistes, membre de la commune, délégué à la mairie, délégué à l'instruction publique, quatre fonctions les plus importantes de Paris. Je me lève, je déjeune, et je siège et préside 12 heures par jour. Je commence à avoir la tête comme une pomme cuite. Malgré tout ce tourment de tête et de compréhension d'affaires sociales auxquelles je n'étais pas habitué, je suis dans l'enchantement. Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon, point de dispute. Paris va tout seul comme sur des roulettes. C'était la Commune de Paris. Hein? Voilà, Gustave Courbet, membre de la Commune de Paris. Voilà quelqu'un qui avait du sang sous les ongles, quelqu'un qui était bien. Alors il y en a toute une page, je n'ai lu que le premier paragraphe. Hein? Oui. Bravo, Gustave Courbet. Oui, en 1940, il aurait été résistant, Gustave Courbet, lui. Combien de nos hommes politiques actuels, de nos journalistes actuels, auraient été résistants en 1940? Combien? Allez, ouvrons bien les yeux, observons, jugeons ces gens-là, puisqu'ils nous jugent sans arrêt. Un petit ajout. 7 millions de chômeurs. Cela a commencé il y a 50 ans, on peut dire. Alors 7 fois 50, 350 divisé par 2, 175 millions d'années de vie gâchées. 175 millions d'années de vie gâchées. Pour 175 qui se sont enrichis. Chacun, 1 million d'années de vie gâchées. Si 50 années de vie gâchées par personne... Chacun de ces riches a gâché la vie de 20 000 personnes, d'êtres humains. Que dit le code pénal? 20 000 personnes gâchées, que dit le code pénal? Que dit le code pénal? Le chômage est un malheur qui peut en entraîner d'autres. Les 6 millions de chômeurs en Allemagne ont amené les électeurs allemands à voter pour Hitler en 1933. Le nazisme a amené la Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. Voilà, je vous l'ai averti. Alors, dimanche, il faudra voter pour éviter tout ça, bien sûr.